sometimes we would play it all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong. Even if we played it on a saxophone. The diamond is the hardest substance known to man, but you can't. On est à l'antenne, parfait. Bonjour, bonjour, vous êtes bien donc sur Radio Libertaire. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien pour la deuxième semaine consécutive, Bulle de Rêve, l'émission 100% animation, en direct bien évidemment sur Radio Libertaire ou sur Internet. Deux émissions, c'est Bulle Noire qui nous cède une de ses émissions pour vacances bien méritées. Et la semaine dernière était déjà exceptionnelle, on a une deuxième semaine exceptionnelle puisqu'on reçoit Florence Miaille. Bonjour Florence. Bonjour. Voilà, on va passer avec elle quasiment deux heures pour parler de tout son parcours. Et à côté de Florence, on va voir Flora. Bonjour Flora. Bonjour. Et Florentine. Bonjour. Pourquoi Flora et Florentine? C'est Flora Florentine, il faut que j'arrive à le dire les deux en même temps. Parce que les deux, Flora étant étudiante, Florentine n'étant plus étudiante, mais travaille aussi sur la peinture animée. Donc enfin, elles nous parleront un petit peu de cette technique de prédilection. Voilà, comme d'habitude, on commence. J'ai pour tous les animateurs de radio, quelque chose, surtout ne mangez pas trop de marshmallows. Si vous êtes en retard, après vous courez. Mmh. Et c'est un truc qui est terrible. Parce que là, quand vous êtes en direct, c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Mais on va essayer de gérer ça très bien. Il n'y a aucune raison. Et là, comme d'habitude, vous me connaissez en direct. Je vais dire ce qu'on va écouter. Le générique était dû au grand Frank Zappa. On écoutait Joe's Garage en live. Et évidemment, là, on a la chose que j'ai, l'album que j'ai redécouvert, ou mon coup de cœur, etc., qui est la piste 2. J'ai au niveau d'Ariel, voilà, comme ça il le sait, avant que, comme ça je l'annonce. Et on va écouter Bran 23000. Bran 23000, c'était un groupe canadien un petit peu barge où on ne savait pas trop, il y avait une vingtaine de personnes et ça tournait, des musiciens. Ils sont connus pour Drinking in LA, qui était leur tube. Et là, on va écouter Aphrodisiaque. Je trouvais que ça tombait bien, parce qu'on va parler beaucoup d'Afrique et beaucoup de sensualité. Donc, commencer par Aphrodisiaque, oui, je ne vous ai pas dit, ça s'écrit avec un F là dans la chanson. Donc, c'était parfait. Donc, on écoute Bran 23000. Comme ça, je reprends mon souffle. Call a song through the chest. that kind of funny, think my drink is laced. I got these opium queens that move around my space. I said it's waste, not want, not, I think I'll take another. I'm holding all this pain that I'm trying to smother with the neon glows that keep me thinking about my brother and my mother in the city on the VV sound. Brand man got me moving with my ear to the ground with thoughts of cognac kisses for the man in black. Like in the front line, maybe I'll be at the back, because I'm chilling on these thoughts of you down with me, putting you before the eye because it's easy to see. EP got me smoothing for the BB3, so let it be, baby, let it be, for real, baby, you're the one for me, that makes loving so much fun, you see. And I'm the smoothest aphrodisiac, I'll be the coolest aphrodisiac, I'm like the strangest aphrodisiac, so knick-knack, patty-whack, bring it back. In my life without the strife, who's pushing? We got the cushion. So get on your knees and pray, G.O.D. Set me free from this fucking ill society. For real, north to the south, to the east, to the west. Come and bless, do the cess. Got me truly confessing, saying yes, yes, yes, yes. To the top is where I'm reaching. The chronic got me tweaking, and I'll be reaching for the peak. More than you ever fucking seen when I saw. Take flight to the skies under Mars. Youth has grown wise, no disguise necessary. It's quite contrary. Proud Mary, keep on rolling, cause I'm strolling on the uptown sound for real. So hold tight to the steer. Lyrical sass, say it caps half a peak. Yeah. Sharpshooters Productions. Brand Van 3000 coming through your housing. Yeah, yeah, get up to it. Yeah, yeah, yeah, yeah, ha ha ha ha ha ha ha ha. Get up and do it. Get up and do it. Get up and do it. Yeah, yeah, yeah, ha ha ha ha ha ha ha ha. Yeah, yeah, ha ha ha ha. Et voilà, c'était donc Grand 23000 après Frank Zappa, Aphrodisiac sur l'album Glee. Il n'existe plus. Bravo, au fait, Florentine, pour la sélection au nouveau festival de l'AFCA. Merci. Voilà, à Bru. À Bru. Bru. Florentine a cru et sélectionné. Femme étudiant, bravo. Donc, comme je vous ai dit, on va passer quasiment 2 heures avec Florence Millay. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le temps, comme souvent je vous fais, vous regardez sur Internet, M-I-A-I-L-H-E, Florence, vous regardez, et puis comme ça, en même temps qu'on parlera, si vous ne connaissez pas, vous pourrez découvrir un peu l'univers de Florence. La première question est d'une banalité, mais je commence toujours comme ça. C'est quoi la première rencontre avec l'art de la petite Florence ? Mais ta première rencontre avec l'art, même pas le cinéma, l'art, est-ce que c'est ta mère, ou est-ce que, puisqu'on va en parler, oui, sa peinture? Oui, évidemment, ma mère était peintre, donc effectivement, il n'y a même pas eu de première rencontre, quoi. Il y a toujours eu l'odeur de l'essence de térébenthine dans la maison, ça fait partie de mon... Voilà, en même temps que le lait, que le bimbon, quoi. Ok, donc plonger de suite dedans. Oui, ma mère travaillait beaucoup, dessinait tout le temps, faisait des croquis tout le temps, de nous petites, donc on a les premiers croquis qu'on a de nous, c'est comme les photos, quoi, il y a une espèce de continuité dans les dessins de ma mère où on nous voit bébé à 2 ans, 3 ans, 4 ans, en train de se baigner, en train de manger, au petit déjeuner, elle avait tout le temps un carnet de croquis à la main. C'est pas dans toutes les familles quand même qu'il y a ça. Les photos, la plupart, mais non, les dessins, ça doit marquer quand même. Oui, faut ça. Enfin, je sais pas si ça marque, parce qu'en même temps, c'était tellement naturel, on n'a rien connu d'autre, quoi, que notre maman en train de faire des croquis de nous, de dessiner tout le temps, d'être dans son atelier, il fallait pas la déranger, de temps en temps, il fallait poser pour elle, donc ça c'était un peu presque ennuyeux, parce qu'il fallait pas bouger pendant 1 heure, 2 heures, mais effectivement, j'ai des portraits de moi de 0 à... Ah, je sais pas quel âge. Pas maintenant, en tout cas. Mais... Et or... La peinture de ta mère, c'est quoi l'artiste, les artistes, tu te souviens, est-ce que c'était de la peinture, du cinéma, du dessin, de l'architecture, enfin tu te rappelles de... Après, première chose que t'as pu voir. Plutôt la peinture, effectivement, parce que en dehors des peintures de ma mère, il y avait pareil beaucoup de livres d'art dans la maison. Et puis en particulier, il y avait des espèces de petits livres. Elle avait une espèce de collection de petits livres qui étaient uniquement en noir et blanc, d'ailleurs, de les grands peintres, de Renoir. Enfin, tous les peintres, la Renaissance, Léonard de Vinci, etc. Mais tout était en noir et blanc. Puis voilà, je regardais ça quand ça me tombait sous la main. Et le cinéma, j'ai pas de souvenir, je crois, de la première fois où j'étais au cinéma. Je me souviens plus. Ouais, c'est venu non vraiment plus tard. C'était pas. Ça n'a pas été dans le. Non. J'ai pas de souvenir où on m'amenait dans une salle de cinéma et c'était formidable. Je découvrais le cinéma en grand écran. Je suis née en 56, donc il n'y avait pas beaucoup de télé à l'époque, mais il se trouve que chez mes parents il y avait une télé, mais on n'avait pas le droit de la regarder. Donc on regardait, on avait le droit de regarder un petit peu le mercredi après-midi Disney Parade, je crois. C'était. D'accord. Et donc il y avait Zorro, on avait le droit de regarder ça. À la rigueur, quand on avait fait notre devoir et tout ça. Et du coup, bon voilà, j'ai pas mal de souvenirs de Zorro en film. Mais ça, Rintintin, Rantanplan, Rintintin, ouais, Rintintin, Zorro. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Les Shaddock, 68. Oh, les Shaddock, c'était bien après, j'étais grande. Tu te rappelles avoir vu ça ou... ouais. Non, on n'avait toujours pas tellement le droit de regarder la télé. C'était un peu tard en plus. Mes parents, j'étais dans une famille communiste et mes parents, on ne regardait pas la télé. Quoi. On allait. Voilà, on n'avait pas le droit de regarder la télé, d'accord. On n'avait pas le droit, pas trop, non, très peu. Quoi. Les Shaddock, oui, je m'en souviens. Non, Bonne nuit les petits, oui, je me souviens de Bonne nuit les petits. Ça aussi, on avait le droit, juste 3 minutes avant d'aller, justement. Et puis, non, mais ils étaient super. Enfin, ça, je donne l'impression d'avoir eu des parents. Non, mais c'est, bon, y a beaucoup c'était très bien comme d'avoir ça, des oui, parents. Là. Après tout, oui, ne pas regarder la télé, c'est plutôt pas mal aussi. Ça c'est permet de développer autre chose, oui. La peinture, c'est venu justement naturellement, parce que tu commences par la peinture avant de passer au cinéma. Est-ce que, comme tu es baigné dans cet univers, c'est une évidence? Tu ne te poses même pas la question? Ou s'il y a quand même plein d'autres choix avant? Comment ça se passe? En fait, je me suis pas tellement posé la question. Je dessinais tout le temps un petit peu dans les marges de mes cahiers, ou bien. Mais je me suis pas posé la question avant d'avoir eu le bac. Et puis au moment du bac, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et puis c'était évident que je faisais ce que j'allais faire ça quoi. Mais ma mère était pas forcément. Elle savait que c'était difficile d'être peintre. Ouais. Donc elle était pas très encourageante non plus. Peut-être qu'elle aurait préféré, je sais pas, qu'elle aurait préféré que je fasse autre chose, mais elle était contente que je fasse ça, c'est pas, mais voilà. Est-ce que tu es bien sûr que tu veux faire ça et tout et tout. Et les études, c'est où? Tu vas faire une école de préparation aux arts déco, puis les arts déco. Ça se passe comment les arts déco? De suite, c'est par rapport justement à ce que tu as connu. Mère qui dessine tout le temps, qui peint, toi qui dessine un petit peu, quand tu arrives là-bas, c'est la confrontation est difficile, au contraire. Justement, les arts déco, c'était pas complètement dans l'optique d'être peintre, hein, puisque c'était plus art appliqué. Il y avait déjà, ouais. Donc, je viens pas. Non, mais juste pour savoir par rapport à. Il y a toujours un décalage des fois entre quand on le fait soi-même ou quand on fait, puis quand d'un seul coup on se retourne dans une école. Ou, Non, pareil, ça me. Ouais, ça, tout est vide, enfin. Ouais, oui, oui, tout me semblait relativement. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, ça me semblait évident. J'étais pas. Enfin, je travaillais pas énormément, j'étais plutôt. Mais ça, c'était évident, quoi. C'était d'accord. Une espèce d'évidence. Donc en fait, jusqu'avant, juste ce qu'on arrive, on va arriver au premier court-métrage. Tout se passe de manière un peu, pas facile, mais en tout cas... L'école, oui, si, assez facile. Ouais. Mais on peut dire facile, oui. Oui, assez facile, oui. Après, j'ai fait, aux Arts Déco, j'ai fait la section gravure aux Arts Déco. Il n'y avait pas vraiment de section d'animation, il y avait une section vidéo, mais... La vidéo, j'avais pas aimé la vidéo, parce que il y avait des histoires de câblage, c'était hyper compliqué. Je ne savais pas trop à quoi on allait s'attendre après, parce que les histoires de câblage, par rapport à ce qu'il y avait en vidéo, maintenant avec les ordinateurs, c'est 100 fois pire, mais je ne sais pas. J'ai dû comprendre comment ça marchait, mais la vidéo, j'avais une espèce de... ouais, ouais, de comment dire, de, d'angoisse un petit peu, oui, par rapport oui. À ces, tous ces câbles. Ça marchait jamais et tout ça. Puis on, à l'époque, il n'y avait pas encore d'ordinateur dans l'école et ça n'existait pas encore, quoi. Ouais. Et en fait, on faisait pas grand-chose en vidéo, quoi. On tournait sur des fonds. Enfin, y avait, enfin, je sais pas, ça m'avait pas plu, la section vidéo aux Arts Déco. C'était le moment un peu, justement, d'art vidéo, et c'était plutôt des oui, expérimentations. Et puis on, un peu. Voilà, on faisait tourner des gens devant des fonds bleus, on les détourait, on les remettait. Enfin, c'était plus des expérimentations. C'était pas de l'animation. Alors, effectivement, je crois qu'il y avait des bons titres. Il y avait un enseignant aussi d'animation, mais qui était dans la section vidéo. Enfin, et Deleuze. Oui. Non, mais c'est comme ça que je m'en souviens. Pas mal. Comme moi, on va demander d'ouvrir la porte, juste, pardon, juste un petit peu. Un peu de direct, voilà, parce qu'il fait chaud. Excuse-moi, il va faire très chaud dans le studio. Donc, gravure. Tu choisis gravure. Donc, gravure, un peu, parce qu'effectivement, c'était pas exactement ce que faisait ma mère. Je voulais pas faire de la peinture. Gravure, parce que. Je sais pas, j'avais des amis qui étaient dans la classe où j'étais, qui allaient en gravure. Ça se passe souvent un peu comme ça, même encore maintenant, je vois, je suis enseignante là-bas, et les élèves, ils disent, ah tiens, on va faire animation, parce qu'il y a un tel fait, ouais. Un tel et un tel, donc il y avait un peu de ça aussi, quoi. Donc gravure. On suit le, d'accord. Et puis j'aimais bien tout ce qui était des métiers de l'édition, du livre, les métiers de l'édition, etc. Et alors, pourquoi t'as pas choisi, justement, le métier de l'édition? Non, c'était tous les moyens d'impression et tout ça. Donc gravure, j'étais bien. Gravure, sérigraphie, je faisais des choses comme ça, un peu de maquette et tout. Et puis l'animation, c'était j'aimais beaucoup l'animation, mais voilà, j'en ai pas fait à ce moment-là, quoi. À l'époque, est-ce que tu en regardais déjà de l'animation? Oui, je crois qu'on... Alors, il y avait mes parents qui me parlaient, qui connaissaient Trinka, qui m'avaient montré des films, des livres aussi, je pense, ouais. des républiques tchèques. Et forcément. et puis donc ça, je crois que je connaissais. Il y avait Bonne Nuit les Petits, bien sûr. Ouais. Ça c'était quand j'ai... et puis après, quand j'ai été aux Arts Déco, alors je sais plus quelle année c'était exactement. Je commençais à me renseigner sur l'animation. J'avais vu des choses, ça m'intéressait beaucoup. Et puis j'ai été voir une programmation de l'AFCA, une nuit du cinéma d'animation, donc de 7h du soir à 7h du matin, quelque voilà. chose comme ça, où il y avait eu tout un historique des films d'animation depuis La Nuit sur le Mont Chauve jusqu'à l'époque, c'était peut-être déjà les Shadok ou peut-être Délicieuse Catastrophe. Ça, je connais pas. Un film de... Alors, je ne vais pas m'en souvenir, mais bon, voilà. D'accord. Donc, toute une nuit, toute en tout une cas. Nuit où, effectivement, on avait vu un peu tout. Yuri Einstein, enfin, il y avait tout le monde. Caroline Leaf, tout le monde, quoi. Oui, voilà. Donc... D'un coup, je faisais mon... C'est pas mal, ça, faut dire à l'AFCA. Mon enseignement sur l'animation. Oui, c'est ça, c'est pas mal d'avoir tout un... Donc, rencontre avec Caroline Leaf aussi, qui... Voilà. Je pense que c'est important, le travail de oui, peinture animée, justement. Peut-être que ça a été... Je ne me souviens pas très bien, mais peut-être que ça a été à ce moment-là la révélation de me dire... voilà, Caroline Leaf, Une Nuit sur le Mont Chauve, Nordstein, enfin tous ces... Il y avait un dessinateur de bande dessinée aussi qui avait fait un film d'animation. Massé, peut-être. C'est là où je suis pas Olivier Gatrin, je suis désolé. Olivier, on sait plus que moi, je sais Olivier, je suis désolé. Mais donc oui, je serais un peu perdu là, j'avoue. Mais, voilà. Mais donc bon, ok, donc il y a tout... Donc tout ça qui était arrivé d'un coup. Et puis après, il y avait aussi à la vidéothèque de Beaubourg un certain nombre de films qu'on pouvait regarder sur les écrans de Beaubourg. Donc j'en avais pris pareil, tout ce qui tout, enfin plein de choses aussi. Que j'avais regardé là. Et ça, je me souviens très bien que c'était pendant que je faisais les Arts Déco, effectivement. À cette époque-là, c'est la découverte et du cinéma d'animation et du cinéma tout court aussi, ou non, vraiment le cinéma d'animation, le cinéma tu... Non, déjà... le cinéma, c'était avant, vers 15-16 ans, quand on commençait à aller au cinéma avec les copains, quoi. D'accord, t'avais déjà vu, il y avait des choses qui t'intéressaient. Moi, j'avais vu Disney avant, évidemment, oui. Quand j'étais petite. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de Blanche-Neige. C'est pas ça qui m'a donné, en tout cas, envie de faire du cinéma, d'animation. Ouais. Mais est-ce que le cinéma... T'as poussé, puisque là on voit quand même, il y a peinture, il va y avoir gravure. Parce que ce qui va m'intéresser, évidemment, c'est le passage au cinéma, à l'idée de faire du cinéma d'animation. C'est venu plutôt par le fait que, justement, cette expérience graphique, plus que l'expérience cinématographique à la base. Le cinéma est venu plus d'une expérience graphique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais finalement de l'animation plus pour le... Comme finalement, beaucoup de gens en animation, plus pour le plaisir graphique à la base que le plaisir cinématographique. On va en reparler après. Oui. À la base, oui. Et puis, je continue, effectivement, quand je pense à des films, à penser à des images avant de penser à une... Oui, des images qui vont raconter une histoire, mais des images qui vont raconter une histoire. Pas une histoire sur laquelle on va mettre des images pour la raconter. Sauf qu'on va le voir à travers les films, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Il y a de plus en plus maintenant de mouvements de caméra. Il y a un jeu, c'est-à-dire une réalisation qui, au fil des films, évidemment, devient de plus en plus précise, on va dire. Oui, mais oui. Donc elle est venue par la suite. Non, effectivement, l'envie, ça a été ça. L'envie, ça a été d'abord parce que j'avais envie de raconter des histoires avec des images, quoi. Donc peut-être ça aurait pu être la BD à un moment, mais l'animation, je trouvais ça beaucoup plus riche. Et puis peut-être que ça me correspondait mieux aussi, parce que je sais pas. Okay. Et puis aussi, peut-être que ça joue, ça, j'en sais rien. On était dans une époque où en fait. L'art était plutôt abstrait. Et quand on sait dessiner, qu'est-ce qu'on fait du dessin, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait du dessin ? Ben, c'est bien l'animation quand on sait faire du dessin, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait du dessin dans une époque où, finalement, la représentation humaine n'est pas forcément... Mais la plus importante, Le plus important dans l'art, quoi. Donc moi, la représentation humaine, ça m'intéressait. Et le faire dans l'animation, c'était bon. Puis en plus, effectivement, je faisais pas du coup exactement comme ma maman. Avant de passer au cinéma, il y a des livres, il y a des choses. Qu'est-ce qui se passe avant ? Parce qu'avant de passer au cinéma, tu sors des arts déco. Ben, avant de passer au cinéma, je travaille comme maquettiste à la presse. Et justement, il y a ça d'intéressant, justement par rapport au cinéma, c'est de dérouler une histoire dans le temps. Parce qu'effectivement, quand tu fais une maquette de livre, c'est la même chose. C'est pas la même chose du tout, mais tu tournes des pages et tu déroules une histoire dans le temps. Et quand tu fais, j'ai fait quelques livres pour des photographes, par exemple, en maquette. Et tu passes de plans resserrés, de gros plans, de plans généraux. Tu dispatches tes paysages en fonction. Tu mets en scène effectivement dans le temps, puisque la personne qui regarde va tourner les pages les unes après les autres. Alors évidemment, ils peuvent commencer par la fin du livre, mais quand même, tu organises le temps, quoi. Tu organises un temps pour ça. C'était une même si t'es pas complètement maître du temps par rapport au film. Ils peuvent rester 10 minutes sur une image. Comme quand tu fais une expo, effectivement, tu te balades dans une expo et puis tu n'es pas maître du moment où il s'arrête, etc. Le film, effectivement, tu n'es plus. Donc, il y a cette maison d'édition, maquettiste avec ses différents. Maquettiste dans la presse, un peu d'illustration comme ça à droite à gauche. Et puis après, effectivement, alors là aussi, la maquette et puis la presse, c'était pour gagner ma vie. Ouais. Et puis parallèlement, je faisais des dessins. Et en particulier, j'ai été faire des dessins au hammam, dans plusieurs hammams de Paris. Ouais. Et puis, on a fait un livre en sérigraphie avec tous ces dessins. Donc ça avait duré assez longtemps, le livre. J'avais travaillé énormément sur ce bouquin. J'étais restée très longtemps dans l'atelier de sérigraphie. Et puis c'était pareil, c'était un livre où effectivement il y avait des espèces de les pages étaient plus ou moins transparentes avec des blancs qui bloquaient derrière certaines images, donc pareil on apercevait d'une page à l'autre, on apercevait les pages suivantes et puis on tournait. Donc là aussi c'est un peu un déroulement dans le temps, quoi. Et déjà l'idée du mouvement, non, de choses, ou non, les pages n'avaient rien à voir forcément. Non, mais c'est vrai qu'après, quand on m'a proposé de faire un film d'animation, c'était évident que j'allais faire Hammam, quoi, parce que j'avais déjà travaillé sur... Et puis cette envie, comme ça, de dessiner, et de faire une peinture, et puis d'avoir, dans la peinture, plusieurs choses. tu dis, on t'a proposé de faire un film d'animation, comment ça s'est passé ? quelqu'un avait vu le livre et a dit ça m'intéresse, ou comment ça se passe? En fait, depuis que j'étais sortie des Arts Déco et que j'avais vu tous ces films que j'avais trouvé absolument magnifiques et tout, je rêvais que d'une chose, c'était de faire de l'animation. En fait. Enfin, j'avais envie de faire de l'animation, des films d'animation. Alors, effectivement, j'avais parlé des flipbooks là sur. Non, pas des flipbooks, mais des marges de mes cahiers. Oui. Effectivement, il y avait des petits flipbooks déjà, des trucs qui bougeaient, des choses comme ça. Et je sais plus où j'en étais. Et puis moi j'étais en train de me dire, donc j'étais comment on vient de demander, tu disais qu'Alain vous a des codes déjà. Oui, voilà, donc ça faisait longtemps que je rêvais de faire de l'animation, puis je disais un peu à tout le monde, oh là là, j'aimerais bien faire un film d'anime, j'aimerais bien faire un film d'animation, etc. Et donc j'avais un ami qui voulait faire de la production, qui s'appelle Thierry Roland. Mmh. Qui n'a rien à voir avec celui qui fait le bien précisé en effet, oui. Voilà, et qui avait envie de faire une maison de production, et donc c'est lui qui m'a dit, mais écoute, au lieu de dire que tu as envie de faire un film, etc., fais un projet, on le présente au CNC et puis on voit. Donc ça a été un peu pas le premier projet de sa maison de production, parce qu'il coproduisait beaucoup avec des films marocains en particulier. Mais ça a été son premier projet tout seul en France de film d'animation. Voilà, on a présenté donc Amam, et puis on a eu l'aide du CNC pour Amam. Voilà, donc, c'est comme ça que ça a commencé. Alors là, on va écouter le premier extrait. Oui, Ariel. Je vais juste faire une petite intervention. Dans les années 60, il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué, j'étais gamin à l'époque, c'était les films tchécoslovaques qui étaient des personnages en pâte à modeler, et on bougeait les personnages image par image. Oui. Et quand on voyait le film en défilé, ça durait peut-être une heure et demie, mais on pensait que ça durait trois heures, tellement c'était très très beau. Et il y avait un travail au moins de 2-3 ans pour arriver à faire les maquettes, les personnages, les différents vêtements. Bah, ça m'a énormément marqué quand j'étais gamin, et c'était vraiment d'une qualité. Vraiment, c'était à l'époque, c'est ce qui se passe. C'est ce que mes grands-parents me laissaient regarder aussi à la télévision. Ça, le théâtre de la jeunesse et des trucs d'histoire. Florentine, qui a un peu l'âge pour avoir vu ces choses-là, réfléchit dans sa mémoire ce que c'était. Ça lui dit quelque chose. Non, mais effectivement, les séries tchèques des années 60 sont de grande qualité. Oui, de toute façon. C'est d'une qualité vraiment. C'est vrai, tout à fait. Donc, premier extrait, l'extrait numéro 3, s'il te plaît, Ariel. Florentine, on écoutait quoi? On écoutait Amam. Oui, bravo. La bande son. Donc, on écoutait un extrait de Amam, donc premier film, premier court-métrage, 91, la date de sortie. C'est, oui, ça devait être ça. Ouais, oui. Donc, quoi, c'est commencé en 88. Tu mets combien de temps pour J'avais mis deux ans pour faire Amam. Mais en même temps, on avait juste eu le CNC et je travaillais en même temps. Donc, c'était pas du plein temps. Quoi. D'accord. C'était, voilà, je faisais encore un peu de maquette pour Cuisine et Vins de France, ouais. Ou je sais plus quoi. Waouh! C'est le grand écart entre l'illustration, entre ce que les maquettes que tu fais et le film. Le film, donc, Amam, il vient déjà d'un plaisir et d'un intérêt pour la culture d'Afrique du Nord. Comment ça se passe? C'est plutôt l'idée du mélange. On l'a entendu hein, à travers la bande-son. On va en parler évidemment de ce mélange de musique. C'était quoi? C'était Alors, y a, bah, déjà, Amam, donc, j'avais fait toute une série de dessins, de peintures. J'avais fait tout un travail. J'avais travaillé pendant au moins 2 ou 3 ans sur le Amam. L'idée de travailler sur le Amam, c'était venu... Alors c'est un peu toujours l'histoire de ma mère, parce que quand elle est en 52, le parti communiste demande à deux peintres, Boris Taslitsky et Mireille Miaille, donc, de partir en Algérie pour faire un reportage dessiné sur la colonisation en Algérie. Enfin, sur les méfaits de la colonisation, ouais, en Algérie. Et donc, ma mère part avec Boris. Et puis, ils sont revenus avec toute une série de dessins et tout. Enfin, c'est pas... Et puis, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, cette exposition. Et puis, bah, quand on est... Alors ça, c'était 52. Et quand on a eu 18-19 ans, ma mère a été recontactée par certains militants du FLN de l'époque qu'elle avait rencontrés à ce moment-là. Et qui l'ont réinvité à Cherchel, où ils habitaient. Elle les avait vus à 20 ans, elle les retrouvait à 40 ans avec des enfants de nos âges, etc. Donc on était tous retournés en Algérie, où là on avait passé, je sais pas, 2 mois dans cette famille de Cherchel, et où on nous avait amenés au Hammam, évidemment. Donc j'avais découvert le Hammam à cette occasion-là. Et après, j'ai fait les arts déco. Mais les histoires, elles sont longues. C'est toujours un peu long comme non, ça. Non, mais c'est l'inspiration, c'est pour ça. On est inspiré par quelque chose et tout ça. Donc après, j'avais fait les arts déco. Et puis après, j'avais fait des boulots de maquette. Et puis après, j'avais un peu arrêté la maquette parce que justement, je voulais faire de la peinture, du dessin. Et que voilà. Et donc, j'avais commencé. Et voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais j'ai envie de retravailler sur ces ambiances-là de Hammam avec les... Tout ce lieu un peu bizarre où il n'y a que des femmes, mais des femmes de tous les âges. Où, enfin voilà, c'était très intéressant, justement, de la représentation, comme je disais. Là, j'aime bien représenter la représentation humaine en peinture. Plutôt, et donc, effectivement, c'était une source d'inspiration incroyable, quoi, le Hammam. Donc, j'avais fait toute une série de dessins là-dessus. Donc, après, quand Thierry Roland m'a dit voilà. Qu'est-ce que tu fais un film? C'était, oui, je l'ai déjà dit. C'était une évidence que c'était Hammam. Et donc, c'était vraiment cette idée de mélange et de rencontre de différentes. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est deux jeunes femmes qui vont se retrouver, visiblement occidentales en tout cas, et qui se retrouvent dans ce Hammam et qui vont se mélanger à différentes cultures, qui vont avoir un peu de mal au départ à se déshabiller, qui vont être un petit peu plus, et puis qui finalement vont... Oui, c'est ça, mais en fait, c'était un prétexte, parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'histoire, et c'était plus... c'est le premier... Enfin, je passais vraiment de la peinture à l'animation, c'était vraiment un passage de la peinture à l'animation, et c'était vraiment... Moi, je voulais vraiment faire un tableau qui s'anime, quoi. Je voulais faire le portrait d'un lieu, et puis dans le portrait... Enfin, voilà, le portrait d'un lieu avec plusieurs aspects, comme on peut faire le portrait d'un personnage avec plusieurs aspects aussi. Voilà, donc c'était une balade dans ce lieu, et en laissant aller, en me servant à la fois des croquis que j'avais faits, de mes souvenirs et tout, puis en laissant aller un peu aussi le côté un peu fantaisiste. Enfin, c'est pas un film documentaire non plus. Il y a un peu de ça, mais c'est pas un film documentaire. Tu dis qu'il n'y a pas d'histoire, mais il y a quand même quelque chose. Il y a même plein de petites histoires, parce qu'on voit en second plan certaines choses. On va avoir une femme qui va se mettre à danser avec des formes un peu généreuses derrière, une autre qui va être complètement différente devant. C'est-à-dire qu'il y a quand même il n'y a peut-être pas une histoire typique comme on la connaît. Il va se passer des choses, il va y avoir une résolution à la fin, mais il y a quand même... Il y a un cheminement. Il y a une volonté de raconter des choses. Il y a un cheminement à partir de notes que je prenais justement au Hammam, où je notais des choses soit qui m'amusaient, soit qui me... Voilà. En fait, il y a plein... Moi, j'ai plein de croquis, puis il y en a certains qui reviennent, dont on se souvient. On note plein d'anecdotes, et puis il y a celles dont on se souvient. Il y a une espèce de tri presque instinctif qui se fait, et où tu te dis, ça doit être important, puisque je m'en souviens encore, quoi. Après... Voilà, donc c'était un peu organiser toutes ces notes, tout ce que j'avais pu voir comme ça, Wamam, dans un cheminement relativement logique. Donc effectivement, de là, les petites jeunes filles qui traversent ce lieu pour la première fois. Et puis, ce qui m'intéressait aussi au Hammam, c'était d'essayer de montrer, de parler du corps de la femme, parce que il y a justement à la fois des occidentales très très mignonnes, très minces, très jolies, très etc. Et puis il y a des femmes de 80 ans, assez fortes, qui viennent là depuis avec toute leur famille. Enfin, c'était tout ça, quoi. C'était ce mélange dans un lieu de toutes ces femmes. Et c'est finalement raconté que là, le corps est tellement différent, les gens vivent tellement leur corps différemment quelque part, que la vieille dame de 80 ans vit presque mieux que la petite jeune femme, en tout cas. Elle peut être aussi belle, en tout cas. Oui, voilà, en tout cas, oui. Dans sa nudité, elle peut être aussi belle. La sensualité, voilà, de tous les corps. C'est drôle, parce que d'ailleurs, tu disais que le dessin, quand ça avait bien dessiné, ça paraissait évident, l'animation. Et finalement, quand tu te mets à faire de l'animation, tu fais de la peinture. Pourquoi? Pour ça, je sais pas. Parce que là, je sais pas. Parce que tu fais du dessin, il y a de la peinture, il y a de la gravure. Tu aurais pu faire de la gravure aussi animée. Il aurait pu avoir, ça peut être très joli, la gravure animée. Non, mais le dessin, et finalement, c'est la peinture qui l'emporte. Oui, mais c'est pas complètement de la peinture, parce que Hammam, c'est du pastel animé. Et qu'il y a un geste qui est plus un geste de fusain et de fusain pastel que de pinceau et peinture. Alors c'est la technique, vas-y, dis-nous comment c'est des bâtons de couleur, de pigments de couleur, et c'est une technique particulière, effectivement. Mes films, c'est une technique particulière parce que c'est animé directement sous la caméra. C'est-à-dire que contrairement au dessin animé traditionnel où on anime chaque étape du mouvement sur une feuille différente, là c'est toujours sur le même support, et le dessin est transformé, photographié, retransformé, photographié. À chaque transformation, on prend une photo. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Et du coup, ce qui m'intéressait aussi, parce que dans les sources d'inspiration que j'ai eues, il y a eu le mystère Picasso, où on voit Picasso dessiner donc sur une toile qui est filmée de l'autre côté par Clouzot. Et où on voit un pot de fleurs qui se transforme en vase, qui se transforme en poisson, toutes les étapes comme ça, et tous les repentirs de la peinture qui sont donnés à voir justement dans le film de Clouzot. Donc ça aussi, j'avais envie de faire quelque chose un peu comme ça, enfin entre guillemets, mais en tout cas de montrer le cheminement d'une peinture. C'est-à-dire qu'effectivement, en faisant l'étoile de Hammam, quand je faisais l'étoile avant de faire le film, on peint un personnage, et puis on se dit, tiens, elle va tenir son turban comme ci, ben non, pas comme ça, hop, on efface tout, on refait le dessin, et puis on re-efface, on refait. Donc l'animation, c'était aussi rendre visible ce travail, et rendre visible cette envie d'avoir la femme aussi bien à droite de la toile qu'à gauche, quoi. C'est-à-dire effectivement traversant le plan, quoi. C'est ta première expérience, donc... Hammam. Oui, donc est-ce que... Pas complètement, parce que j'avais fait un tout petit stage de... Enfin, non pas un tout petit stage, j'avais fait un stage de 6 mois avec Serge Verny, que j'ai retrouvé après. Maintenant, c'est mon collègue aux Arts Déco. Aux Arts Déco, oui, il est prof aussi. D'accord, donc déjà, c'était de la peinture animée. J'avais fait un stage, c'était un stage pendant 6 mois, une fois par semaine, je crois, quelque chose comme ça, et c'était pas à la maison américaine, à la... Au centre culturel, oui, centre culturel américain. Et là, ils nous avaient fait faire plein de petits exercices. Il n'y avait pas que de la peinture animée. Mais moi, parmi les exercices, j'avais fait effectivement du fusain pastel avec qu'on effaçait, qu'on refaisait, etc. Voilà. Tu te lances complètement. Moi, je connais l'histoire, mais c'est parce que c'est du 35 mm à l'époque. Donc faut attendre. Quand on voit et Florentine et Flora qui travaillent maintenant plus par toi aussi numérique, où tu peux voir quasiment en direct si tu fais une erreur ou pas. Là, il y a pas de filet. Comment ça se passe? Voilà, c'était 18 ans à peu près, effectivement. On a juste une caméra 35 mm qui est au-dessus de notre feuille de papier, donc, et puis on transforme le dessin, on prend des images, on transforme, et puis il faut effectivement attendre que ce soit donné à développer au labo pour pouvoir voir les images qu'on a faites, effectivement. Et tu te rappelles des premières images que tu as vues, des premières images développées? Oui. Ben, bon, sur Amam, il y avait eu avant justement les exercices avec Serge Verny qu'on avait tourné en Super, je crois qu'on tournait en Super 8, et puis on les envoyait à Marseille chez Kodak. Et puis ça revenait, je sais pas, longtemps après en plus. Et on regardait effectivement le film à ce moment-là. Et ben, mon premier souvenir de voir des images animées, c'est effectivement plutôt pas encore à MAM, mais sur ce stage-là. Et puis oui, c'est moi, ça m'a émerveillée, quoi. J'étais épatée. Enfin, de voir que ça, je trouvais ça incroyable, quoi, de voir que ça bougeait et tout. Et puis pas si mal, finalement. Florentine, c'est la même chose. Toi aussi, les premières fois, t'as vu les choses que t'avais animées. Oui, mais c'est vrai que on a tendance à maintenant avoir des logiciels où on peut voir directement, donc il y a moins la, enfin, il y a pas cette magie-là. Il y a plus l'attente. Il y a plus l'attente, mais après, ça dépend quand on travaille. Je sais que la dernière fois pour la bande-annonce, j'ai travaillé sans retour, et effectivement, on a plus. Enfin, ça dépend. Il y en a qui préfèrent avoir le retour, d'autres non. C'est aussi un choix. Mais c'est vrai que quand on a le retour direct, on voit tout de suite, on peut tout de suite modifier, on peut tout de suite. C'est pas la même façon de travailler. Et on n'a pas cet émerveillement de découvrir les images. Flora, tu n'as pas été émerveillée la première fois où tu as fait J'aime bien attendre la fin du plan aussi pour voir, avoir la surprise un petit peu, découvrir comment ça fait. Et souvent, c'est rassurant. Déjà, on voit qu'on n'a pas si mal fait. Puis ça laisse un peu d'hasard aussi. Oui, c'est ça. Le hasard est important de travailler avec de la matière comme ça. C'est-à-dire finalement laisser vivre un peu cette matière. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas du tout... J'aime bien justement que ce soit visible. C'est ce que je disais par rapport au... Enfin, en tout cas, ça a été vrai pour mes premiers films, pour Amam, pour Scheherazade, tous ceux qui ont été faits au pastel. Après, c'est un peu différent, mais tous ceux qui ont été faits au pastel, j'aime bien qu'on voit la trace du personnage, qu'on voit ses repentirs qui sont, qu'on donne à voir ces repentirs-là, qu'on vous donne à voir cette matière qui se transforme. Je pense que dans mes films, la transformation de la matière fait partie de l'histoire qui est racontée. Comment le personnage va être façonné par son mouvement. Ça, tu le prends en compte dans quand tu crées une image, tu prends en compte justement cette transformation. Et c'est là aussi que intervient le hasard, parce qu'effectivement, je le prends en compte, mais je le maîtrise pas. La trace qui reste visible du personnage, elle est pas maîtrisée. On peut maîtriser le dessin du personnage justement, mais on maîtrise pas cette matière qui arrive après, derrière, etc., quoi. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Et c'est ça que j'aime bien aussi, même par rapport à ce que je disais. Voilà, on dessine, je sais bien dessiner, donc je contrôle bien un dessin. Peut-être que ça m'ennuie un petit peu, cette espèce de contrôle du dessin. Et par contre, dans cette trace, dans le travail de l'animation, il y a tout ce que je contrôle pas qui arrive, et c'est ça qui me plaît aussi dans l'animation. C'est-à-dire que on fait un premier dessin, le premier dessin il est construit, et puis petit à petit ce dessin se déconstruit pour arriver à la fin d'un mouvement à un autre dessin reconstruit à nouveau. Mais on peut avoir comme ça un passage où le dessin par le mouvement, le dessin se construit et se reconstruit, quoi. Il y a un nom, on va revenir dans les autres films de ça. Il y a un nom, Robert Lapougeotte, sur le premier film, qui est un nom connu. Qu'est-ce qu'il a permis? Alors, Robert Lapougeotte était à la fois un peintre et puis un cinéaste d'animation aussi. Et bah pareil, c'est un peu comme le producteur qui m'a dit, mais puisque tu parles de faire des films, vas-y, fais-les. Donc on avait été voir avec lui Robert Lapougeotte, qui m'avait dit exactement la même chose. N'arrête de parler de faire des films, fais-les, c'est pas compliqué, t'as un bon titre, t'as une feuille de papier, tu dessines, t'y vas, tu le fais, quoi. Parce que lui avait fait des choses très picturales, justement, en animation aussi, et où il a travaillé de l'animation comme ça, directe, en peinture, etc., mais aussi sur des murs, avec des dessins qui se transforment sur des murs. Il y a quelqu'un qui est très à la mode, comme, qui quoi, était pas final, le premier. Comme quoi finalement du tout un blue, voilà, et voilà, voilà. Finalement à part il avait déjà fait des choses comme ça sur des murs, donc voilà, j'ai été le voir parce que, et puis non, mais c'était avant en fait. non, oui, si, je l'ai vu. Non, l'histoire que je raconte elle est pas fausse, hein, mais avant en fait c'était pour Amam que j'avais été le voir, parce que c'était un ami de ma mère. Et quand j'ai fait le livre de Amam, avant, il a fait un petit... Alors, ça l'avait totalement... c'est lui qui m'a dit, mais moi, écrire sur le Amam, j'adore l'idée de me représenter toutes ces femmes nues et tout ça. Il était très très, comment on dit, enthousiaste. Oh, oui, c'est... c'était pas ça que je cherchais. Donc en fait il a écrit un petit texte un peu érotique comme ça. En fait il m'a fait deux textes. Il m'a fait un texte pratiquement porno que j'ai toujours dans un tiroir. D'accord. Et puis un texte plus soft et que t'as décidé de garder. J'ai gardé dans le livre. C'était une préface, c'est ça, d'accord. Non, c'était pas une préface. C'était un texte d'imagination d'un monsieur déjà assez âgé sur ce qui peut se passer. Ce qu'il peut imaginer, d'accord. Le livre est plus trouvable, c'est ça. Beaucoup d'amour pour les femmes en général. D'accord. Un texte intéressant. Oui, non, c'est bien. Le livre, il a été édité à 300 exemplaires qui ont tous été vendus parce qu'on avait fait une espèce de co-édition. Où en fait on proposait à des gens d'acheter 3 livres et puis du coup après à la fin de l'édition il n'y avait plus de livres quoi. Enfin j'en ai encore quelques-uns mais... D'accord, peut-être pour avoir regardé, c'est trouvable très cher sûrement sur je crois même sur internet, je pense pas que les gens qui ont acheté le livre à cette époque dans les caves pour regarder dans les fonds, on sait jamais. Il y a une chose évidemment qui ne peut pas être de toi avec que souvent les animateurs réalisateurs le font pas même, il demande à quelqu'un, c'est le son, bien sûr. Dans un MAM, il y a comme un patchwork, on a plusieurs styles de musique, on l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait, c'est venu comment ? Tu te rappelles comment tu as travaillé le son ? C'était fait avant ? Après ? Non, pendant... en fait, le son de Hammam, c'est pas la chose dont je suis le plus contente. mais c'est. Voilà. Ouais. Enfin, non, si, je. En fait. Au départ, moi, j'avais plutôt dans la tête un film sans musique, juste avec des bruits de voix, des bruits d'eau, on entend petit peu au début, et puis des bruits de conversation, et j'avais envie que les conversations elles soient un peu dirigées, et que, en fonction des salles dans lesquelles on était, que plus on s'enfonçait dans le hammam, en fait, et plus on était dans une intimité aussi. Des discussions féminines, etc. Et donc de passer c'est un peu d'ailleurs comme ça, et de passer des salles d'accueil au départ, où on se déshabille et tout, où on peut parler de tout et de rien, et de plus on s'enfonçait dans la salle où il y a la vapeur et tout, plus les conversations devenaient à la fois intimes, et puis jusqu'à devenir presque, non, peut-être rien, puisque c'est vrai que quand on est dans la vapeur, après on parle presque plus, quoi. Voilà, donc j'avais cette idée-là d'un son beaucoup plus fait de sons réels et de choses comme ça. Après, ça avait été difficile de faire du son dans le hammam, en fait, j'avais pas fait. C'était assez compliqué à mettre en place. Et puis après, je m'étais un peu laissée influencer par tous ceux qui me disaient « Ah, mais non, mais un film sans musique, ça passera pas, etc. » Dont ma monteuse qui m'a proposé plein de musique qu'on a essayé. Donc voilà, le son s'est fait beaucoup aussi avec la monteuse Nathalie Perret que j'avais à l'époque. Et le son, tu viens de dire que tu n'avais pas pu tourner en main. Pourtant, il est très important dans le film. Le son des voix, il y a plein de voix qui apparaissent comme... Alors, comment il avait été fait ? En fait, les bruits d'eau, de gouttes, et tout ça, c'était un son qui existait et qu'on a trafiqué. Et puis pour les bruits des voix, on a invité une quinzaine de copines à la maison. On a servi du thé à la menthe et puis des gâteaux. Un peu le même, reconstituer un peu la même chose. Et puis 15 femmes qui parlent ensemble. Au bout d'un moment, t'as toutes les conversations que tu veux, de la conversation comme ça jusqu'à la conversation assez intime, effectivement. Ouais. Donc on avait à peu près tout ce qu'on voulait et on l'a un peu dispatché comme ça. On a aussi invité des femmes qui étaient musulmanes. Et puis l'idée, c'était aussi que dans les... C'est pas un hammam en Algérie ou au Maroc, c'est vraiment les hammams à Paris. Donc il y a plein de gens différents qui y vont, aussi bien des Tunisiens que des Suédoises, enfin Tunisiennes que des Suédoises, que des... africaines, c'est très effectivement il y a un vrai mélange. Donc on a aussi dans les conversations des voix de pays différents. Tu te rappelles les premières réactions ? Le film est fini, ça y est, réalisé, il passe dans des salles, dans des festivals, c'est les courts-métrages passent avant tout dans les festivals, il passe dans quelques festivals, c'est super impressionnant. Ouais. Il y avait eu Annecy en panorama, mais c'était quand même impressionnant, la grande salle et tout ça. Mais après, je crois qu'un des Clermont-Ferrand, dans la grande salle à Clermont-Ferrand. Ça, c'est, coup, il y a des personnes, c'est ça. Je sais plus combien il y a. Je crois que c'est la plus grande salle à l'époque où j'ai été avec Amam, avec aussi le Festival des films méditerranéens à Montpellier aussi, pareil, une très grande salle. Et quand t'es, voilà. Mais de toute façon, quand on présente un film qu'on a fait, on a une espèce de c'est bizarre quoi. On a l'impression qu'on comprend le moindre mouvement de des gens, que ce soit une foule ou que ce soit 10 personnes, c'est pareil, mais t'as quelqu'un qui tout saute dans la salle, tu l'entends, mais même des fois toi t'es en bas et lui, il y a quelqu'un, t'es hyper sensible à la réaction comme ça de la salle quoi. Ouais. C'est assez impressionnant. Tu es connecté à toute la salle. Mais je plutôt confirme. Angoissée, quoi. Plutôt angoissée et tremblante, comme ça. C'est limite insupportable, quoi. C'est peu... Sarah Vandenboom, qui était là, nous expliquait qu'elle a fermé les yeux, même pendant tout son film, tellement c'était difficile pour elle, finalement, de le revoir et de Après, mais c'est vrai. Et puis en plus, même si au bout d'un moment, tu sais que les gens ont bien aimé le film, en tout cas, ils te le disent et tout ça, mais tu as quand même une appréhension chaque fois que tu... Bon, et puis après, parler de son... Enfin, les premières fois où j'étais sur scène à parler des films et tout, où on me demandait de monter sur scène, là, au début, j'étais vachement impressionnée. Ouais. Maintenant, ça passe plus. Parce que, ça va mieux. les réactions du public sont... Encore une question un peu bateau, mais juste pour savoir, les réactions du public sont vraiment très importantes. Après, je ne parle pas pendant même la vision, c'est-à-dire que les gens viennent te voir et te disent oh, j'adore ce que vous faites, merci beaucoup, etc. Ou même j'ai pas compris ou j'en sais rien, c'est important ou non, tu peux t'en passer. La vérité. Non, j'aime bien que les gens ils viennent me voir pour me dire qu'ils ont aimé mon film. C'est vrai qu'on passe tellement de temps à faire ses films, on reste souvent 2 ans seul à faire son film, avec pas beaucoup de recul à part le sien propre, que de pouvoir avoir une réaction après de gens qui le voient et qui te font comprendre que ton travail n'est pas totalement vain. C'est quand même important pour ça, continuer. C'est important pour continuer. Je pense qu'on continue de toute façon. On a des trucs à dire. On a des films à faire. Je pense pas que j'aurais arrêté si le premier film, on m'avait dit c'est pas bien. Je me serais sans doute dit celui-là il est pas bien, mais je vais vous montrer que je vais faire un autre qui sera bien. Je pense que ça, voilà, on y va quoi. Mais c'est vrai que ça rassure quoi. Ça fait plaisir. Alors celui-là est bien. 91, les gens aiment bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Comment on fait un deuxième court-métrage? C'est bien, Florelle n'a pas encore fini son premier. Florentine, elle en est à... Faut que j'écrive le à son 1,5, si on compte pas, pas celui de film d'étudiant, on va dire. Et voilà. Comment on fait son deuxième? Il n'y a pas un producteur qui vient et qui dit j'ai beaucoup aimé Amam, est-ce que tu ne voudrais pas en faire un pour moi? Ou comment ça non, se passe? Non, ça a été avec le même producteur. Ouais. Je suis assez fidèle en général. Donc ça a été avec le même producteur et puis c'était après Amam, c'était évident que j'allais continuer à travailler avec en animation quoi. C'était 10 ans après être sortie des Arts Déco quand même, donc j'avais fait maquette, peinture, enfin un peu de gravure continuée, puis là j'étais dans mon truc quoi. J'avais trouvé mon moyen d'expression, pour moi c'était évident quoi. Donc il y avait... Je me demandais pas si j'allais en faire un deuxième ou pas. C'était évident que j'allais en faire un deuxième. Quoi. Après, ça a été je cherchais un petit peu. J'avais pas vraiment envie de quitter le monde oriental. Donc j'avais envie de continuer à travailler comme ça sur l'Orient. Enfin, l'Orient, entre guillemets. Par contre, Amam, ça racontait pas vraiment d'histoire. C'était juste... comme on a dit, d'organiser un peu des anecdotes presque. Et donc, j'avais envie de raconter une histoire. Et puis, comme ça, en bavardant avec une amie qui, à l'époque, travaillait à Arte, ou à la 7, ça devait s'appeler. La 7, ouais. Peut-être. On s'est dit, voilà, moi, j'aime les contes, et pourquoi pas les mille et une nuits. Puis tout d'un coup, ça a été, mais bien sûr, les mille et une nuits. On a eu l'idée de faire... c'est marrant d'ailleurs, 7 épisodes de 3 minutes sur les mille et une nuits pour Arte. Et puis en fait, le projet n'a pas abouti dans cette forme-là. Mais par contre, j'ai fait chez Razad qui était bon, l'histoire inaugurale des Mille et Une Nuits. Et puis, ensuite, Arte m'a recontacté, donc cette idée de faire ça en épisode, parce qu'il y avait ouverture et fermeture de programme à l'époque. Les programmes ouvraient exact, à 7h oui, et finissaient à 7h du soir. Non, non ouvraient à 7h du soir et finissaient vers 2h du matin, voilà. Quelque chose comme ça. Donc l'idée, c'était d'avoir un premier... Enfin, à l'ouverture et à la fermeture, et puis de reprendre tous les jours. Vous connaîtrez plus tard la suite de l'histoire, etc. Quoi. Vraiment, le feuilleton, quoi. C'est les Mille et Une Nuits, c'est ça, en fait. Et finalement, ça s'est pas fait. J'ai fait Scheherazade et Arte a fait une soirée thématique sur les Mille et Une Nuits, juste une soirée thématique où ils m'ont demandé de faire une des histoires que racontait Scheherazade, donc Histoire d'un prince devenu borgne et mendiant. Donc, et ça donne l'extrait numéro 4 pour Scheherazade. En écoute. Je m'appelle Dinarzade, la petite Dinarzade, fille cadette du vizir. Aujourd'hui, c'est moi qui raconte l'histoire de ma grande sœur, la sage Scheherazade. Comment le roi Shahriar est devenu fou. Et comment ma sœur l'a épousée. Comment elle l'a enchantée par ses contes. Et comment je l'ai aidée. Chaznan, le prince de Samarcande, arrive au palais de son frère, le puissant roi Shahriar, qui s'ennuyait de lui. Et voilà, c'était... Oui, on continue à parler, vous savez, hein, pendant les extraits. C'était Flore et Florentine, en plus je dénonce. Je sais, c'est pas bien, j'aime pas ça. Chez Scheherazade, vous avez entendu le début. Alors là, d'un seul coup, on passe de Hammam 9 minutes à Scheherazade 16 minutes. Oui. C'est venu naturellement. C'était justement parce que c'est 7 fois 3 minutes au départ, 21. Et ah non, pas du tout, parce que c'était pas l'histoire de Scheherazade qui était divisée en épisodes, c'était les histoires qu'elle racontait, elle. Non, parce que j'avais besoin de ce temps-là pour raconter cette histoire-là. Quoi. Et le producteur dit oui, pas de problème, 16 minutes. Bah. Non, bah, aucun problème. De toute façon, sur les premiers films, aussi bien sur Hammam que sur Scheherazade, pour tout dire, j'étais pas énormément payée. Donc, d'accord. Que je travaille 2 ans ou 1 an. Le producteur, c'était pas. C'était plus mon temps de travail à moi que. Après, bon, effectivement, le développement des films et tout ça, mais bon, c'était pas non plus très. Très... si coûteux que ça. Enfin, si, on a eu le CNC pareil aussi. Scheherazade. En fait, l'argent servait à payer le travail technique et puis le travail des gens avec qui je travaille qui sont toujours payés. Ça, c'est bien. Ouais. Parce que c'est pas toujours le cas, j'allais dire en animation, mais en cinéma et un peu partout en général. Au niveau de l'histoire, c'est pas évident d'adapter Les Mille et Une Nuits, c'est quand même un récit qui est dense. Oui, il n'y a pas tout. Hein. Non, mais quand même, c'est après, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi t'as pas continué sur Les Mille et Nuits? Bon, c'est l'histoire, tu pourrais faire que ça toute ta vie. Quoi. Ça, c'est sûr. Et comment on travaille cette histoire? Comment on la met en forme pour l'animation? Quand on passe d'un film, pas abstrait, mais en tout cas au niveau de son histoire, oui, comme on disait, qui raconte pas forcément quelque chose, il y a là quelque chose qui nous tient en haleine, ben, en fait. En fait, il y a eu la collab... Alors, comment ça s'est passé? Ben... Pareil, il y a des images. Bon, j'ai lu, relu différentes versions et différentes traductions de Scheherazade, donc de ce petit récit inaugural. Et puis, il y a eu la rencontre avec Marie Desplechin. Et effectivement, un peu toutes les deux, et ça, c'est pour ça que ça fait 16 minutes, parce qu'il faut vous raconter une histoire, quoi, en fait. Et donc, un peu toutes les deux, on a commencé à travailler ensemble. C'est-à-dire que moi, je lui faisais les images et puis elle mettait du texte sur ce qu'on ne pouvait pas dire avec les images. Donc, je m'appelle Dinarzade. Voilà, il faut le dire parce que sinon, ça se dit pas. Donc, les dialogues sont plutôt d'elle. Tu as travaillé pour les dialogues. Complètement. Ouais, ouais. Tout ce qui est écrit, et c'est Marie qui l'a écrit. Donc, moi, j'ai fait un premier storyboard, entre guillemets, où effectivement, en fonction du texte que Marie faisait sur les images, je disais, il faut 5 secondes, 10 secondes. Et puis voilà, on a fait le compte et ça faisait à peu près 16 minutes. Quoi. C'est... important, il y a un petit peu ce problème, enfin pas de problème, mais en animation, c'est vrai que le réalisateur fait souvent tout, le créateur. Est-ce que c'est agréable de travailler avec quelqu'un, c'est un scénariste, en tout cas quelqu'un cartel pour monter la charpente, on va dire, de l'histoire. Elle faisait pas le scénario, parce que vraiment la charpente de l'histoire, pour cette histoire-là, c'était moi qui l'avais. C'était chez Razad. Ouais. Alors après, je sais plus, on s'était demandé. Oui, c'est très bien. Enfin, Marie Desplechin, elle écrit très bien. C'est formidable comme collaboration. D'ailleurs, ça continue. Elle continue, oui. J'ai dit, j'étais fidèle. C'est vrai, on va en reparler. tu parles d'histoire d'un prince devenu borgné mendiant. C'était une des histoires d'Émile et une nuit, un peu condensée pour. Et ça c'était pour. C'était un peu une commande pour la soirée thématique. C'était en animation. Oui. D'accord. On le voit pas beaucoup. Si, il est dans le livre. Il est dans, d'accord. Ouais. Ok. C'était pour savoir non, mais un on petit voit, peu. C'était... En fait, on le voit moins on que le les autres, moins, oui, parce que quand il y a des rétrospectives ou des choses comme ça, il est pas en 35 mm, justement. Il est d'accord. Pas en cinéma, il est en. Mais comme il était fait pour Arte, on l'avait pas fait en 35. En fait, c'est pour ça que je posais la question. Je me demandais si le fait que tu étais fait par Arte, je sais que. Est-ce que je me demandais s'il avait été un peu moins diffusé, qu'il était Arte, pas obligé, ouais, mais c'est ou parce qu'il n'était pas, avait... voilà, parce qu'il n'était pas en 35, hein, déjà. Et puis, parce que par rapport à Scheherazade, moi j'ai toujours préféré Scheherazade, je trouve que l'histoire est beaucoup plus forte. Et puis, il y a des choses dans. Je l'ai fait plus vite, il y a des choses qui me plaisent moins. Que... Oui, parce qu'il voilà, il est fait en très peu de temps, finalement, l'histoire. Il est fait en très peu de temps, oui. Il est fait en très peu de temps, donc le son, je le trouve moins réussi. Enfin. Vraiment, pour moi, chez Razad, c'était bien. C'est celui-là, il est moins. Il y a des tas de choses que je continue quand je le vois à me dire. Je continue quand je le vois à me dire, bon, là, j'aurais dû faire comme ci, comme ça. J'aurais pas dû faire ci et ça. Bon, le son et la musique. Mais bon, ça va. Mais oui, ça reste quand même. Bon, allez, je pense qu'on est toujours un petit peu comme ça quand on est créateur de vouloir refaire des petites choses. Tu parlais de la musique de Hammam. Chez Razad, le son. Alors pareil, il y a eu rencontre avec Marie Desplechin, puis une rencontre avec Denis Collin qui a fait la musique de Scheherazade et qui a continué pareil. C'est drôle, hein, c'est deux rencontres sur ce film qui finalement vont continuer. Ouais. Et puis Agathe Chouchan qui fait la voix de Dinarzade, parce que on se demandait, justement, on se demandait avec Marie qui allait raconter. Enfin, Scheherazade raconte les histoires à Shahriar pour sauver sa tête, hein, en gros, et qui allait raconter l'histoire de Scheherazade, en fait. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on va la faire raconter par Dinarzade, la petite sœur de Scheherazade. Donc pour ceux qui ont pas lu Les Mille et Nuits, c'est celle qui va venir réveiller sa sœur pour lui demander de raconter une histoire. Voilà. Et on en a fait. Du coup, ça lui donnait une personnalité. On en a fait une petite jeune fille un peu délurée qui regarde un peu par le trou de la serrure ce qui se passe chez les grands, quoi. Il y a un côté un peu déluré comme ça. Il y a une... j'ai pas dire maîtrise parce que c'est pas le plus important, mais en tout cas on sent que techniquement la toile de Scheherazade, il y a plus de confiance. Est-ce que c'est moi qui ai vu ça, mais j'en sais rien. Dans le film, dans Scheherazade, il y a un peu plus de confiance dans le trait ou dans le mouvement que dans Hammam. Non, c'est juste parce que c'est le deuxième. Oui, donc je pense que voilà, je pense que toi tu t'en rends pas sur le coup. Non, je pense que ça évolue. Je pense que les couleurs sont plus affirmées que dans Hammam. Je sais pas. Il y a forcément de toute façon une. Oui, ça change, ça évolue. Une évolution. On va faire. Il y a plus de choses aussi, plus de maîtrise dans les mouvements de caméra, par exemple, où Hammam il n'y en avait pratiquement pas. Et puis effectivement, chez Razad, je commence un peu à être. Enfin, voilà, c'est pas juste un tableau comme Hammam. C'est aussi une histoire. C'est aussi une histoire, je pense, qui commence à se raconter. Plus en cinéma. C'est là où je voulais en venir. Voilà, c'est qu'après, on va voir après la pause, le premier dimanche d'août, on sent le langage cinématographique qui commence à se poser un petit peu, on va dire, où justement, peut-être le cinéma qui rentre au-delà uniquement de l'envie graphique, même si l'envie graphique reste là, bien sûr, mais on sent l'envie cinématographique aussi qui arrive. Oui, avec la narration, avec. Et avec une histoire qui se raconte aussi par le montage, par les plans, etc. Oui. Alors, on va faire une première coupure musicale, parce que ça fait un bout de temps qu'on parle. Donc, on va prendre une petite pause dans ce mélange d'aujourd'hui. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai fait dans la facilité. On va écouter le deuxième morceau de l'acte 1 de Don Giovanni, de Mozart, bien sûr. Là, c'est Joseph Krips, le chef d'orchestre, c'est le Philharmonique de Vienne. Et on va écouter donc Notte e giorno faticare, qui donc vous allez entendre, hein, je veux faire le gentilhomme et ne plus servir, et il va répéter plusieurs fois, et non voglio più servir, je ne veux plus servir, je ne veux plus servir, puisque c'est le serviteur qui dit ça et qui veut se libérer un peu de son patron. Donc on écoute Don Giovanni. Faticar, per chi nulla sa capir, pioggia e vento sopportar, mangiar male e mal dormir. Voglio fare il gentiluomo, e non voglio più servir, e non voglio più servir, non voglio più servir. Oh, che caro galantuomo, vuol star dentro con la bella e di lo far la sentinella, la sentinella, la sentinella. Voglio fare il gentiluomo e non voglio più servir, e non voglio più servir. Non voglio più servir, ma mi par che venga gente, ma mi par che venga gente, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentir, non mi voglio far sentir. Save the vi sei? Son qui per la disgrazia e voi son qui. Chi mordò voi o il vecchio? Che domanda da bestia, il vecchio. Bravo, due imprese del padre. Sforzar la figlia ad ammazzare il padre. L'ha voluto a suo danno. Madonna, cosa ha voluto? Aci, non mi seccare. E meco se non vuoi qualche cosa ancor tu. Non vuoi nulla, signor, non parlo più. Ah, del padre in periglio, il soccorso vogliamo. Tutto il mio sangue verserò se bisogna, ma dov'è il scellerato? In questo luogo. E voilà, donc c'est comme un peu dur, évidemment, ça continue. C'est noté e giorno faticar. Donc, Don Giovanni. Et non voglio più servir. Voilà. On revient donc à Bulle de Rêve, l'émission 100% cinéma d'animation sur Radio Libertaire en direct, donc 89.4, pardon, ou alors sur Internet. Et on est avec Florence Millet qui nous parle de son parcours cinéma d'animation, bien sûr, de son parcours. Des fois, je ne fais pas les points et je me retrouve comme ça. On est en 95 chez Razad, on est 91 à Hammam, 4 ans chez Razad, c'est normal. L'animation, c'est un processus qui est un peu long, puis je suppose que tu ne fais pas que ça. Oui, le temps de retrouver un projet. Voilà, c'est, chaque film prend à peu près 2 ans, mais il y a souvent un an entre les films pour relancer le... Oui, voilà les choses, oui, le processus de création. Je ne sais pas comment dire. Non, mais c'est ça. Est-ce que tu vas commencer à enseigner ? Est-ce que c'est à ce moment-là ou plus tard ? Tu te rappelles Après, chez Razad, oui, je pense que j'ai je ne me rappelle plus très bien. D'accord, mais c'est dans ces eaux-là. Oui, c'est ça, c'est dans ces eaux-là. La Poudrière, à ce moment-là, je crois. Et puis. Tu commences un peu à la Poudrière, oui. D'accord. Et puis au Gobelin aussi. Et au Gobelin. Je crois, ouais. Ouais. Je suis pas très bien pour savoir les dates et tout ça. Oh, c'est pas, on n'est pas non plus dans des dates. Non, c'est juste pour savoir. Vrai que c'est aujourd'hui. Et puis les Arts Déco, c'est après. C'est il y a 7-8 ans. C'est rigolo. C'est finalement les Arts Déco qui sont venus en dernier. Oui. Non, mais c'est normal. Non oui, c'est... Enfin non, c'est pas normal. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, c'est rigolo par rapport au parcours. Voilà. Florentine nous a cherché de l'eau. Vous savez, je dis tout en direct. Et là, elle s'attaque au PIMS. Alors là, elle ne va plus rien dire et elle va finir. Si, je peux encore parler. Elle peut faire 2 choses à la fois. Incroyable. Donc, 95, c'est Razad. Et là, on va attendre un petit peu. Bon, 96, on a d'Histoire de la presse devenue borgne et mendiant. Et donc, en 2000, au premier dimanche d'août. Alors, c'est la date de sortie, hein, toujours 2000. Oui. Donc, ça veut dire que c'est commencé, comme toujours, 2-3 ans avant. Oui, c'est ça, 2-3 ans avant. 98, on va te dire, c'est Florin qui a du mal. Alors, pour faire passer les pimes, c'est l'eau, on va écouter le 6e morceau, qui est l'extrait au premier dimanche d'août. On écoute. Il a même poissonné, il y a des cloches extraordinaires ici. Bon, allez, on vous emmène. Il y a du monde, Ça change. Alors, tu vas faire la carte de compétence, oui? Oui, ça va. Et il faut pas que tu m'en donnes. Oui, il va faire la campagne, c'est pas comme à la Thank you. un extrait donc au premier dimanche d'août. C'est drôle parce que dans le premier dimanche d'août, on retrouve quelque part ce mélange et cette volonté, alors pas documentaire comme tu disais, mais quand même un petit peu, dans, en tout cas de quelqu'un qui regarde bien, je vais pas dire sociologique, mais en tout cas voilà, de quelqu'un qui regarde comme dans Hammam, on va voir hein, plusieurs choses, pièces où on passe. Là, c'est la même chose. On va voir la famille au départ, avec les enfants, puis petit à petit, jusqu'à la bagarre de la fin, enfin, etc. Et il y a vraiment une recherche comme ça. C'était un peu, effectivement, après, chez Razad et Histoire d'un prince devenu morgue mendiant, où je racontais une histoire. Là, c'était un peu retour, pareil, à un portrait de lieu, comme Hammam, et dans un... Et dans une occasion particulière, c'est-à-dire le hammam, c'est une occasion particulière puisque c'est le moment où les femmes vont se baigner, donc c'est un moment particulier de la vie, oui. Et le bal dans le village, c'est aussi un moment particulier dans le village où pendant une nuit, tous les gens du village, et pareil, un peu comme dans Hammam, tout âge confondu, les riches, les pauvres, oui, tout le monde voilà, les gens du village, les touristes, les gens qui viennent depuis des années en vacances, etc., se retrouvent au moment du bal du village, dans le sud de la France. Sauf que là, on démarre à l'extérieur. En fait, on est à l'extérieur, on voit la montagne, et la caméra va finalement voilà, rentrer... on est à l'extérieur, on arrive dans le village, et après, on reste uniquement dans le cercle de la place du village, enfin, qui figure la place du village et qui est le cercle du bal. Et donc, on rentre quand même dans cet endroit. C'est comme si toi, en tant que réalisatrice, d'un même, on avait l'impression qu'il y avait... ça pouvait être toi, presque l'une des deux, on va dire, ou quelque chose. C'était comme quelque chose de... presque de plus vécu. Je ne dis pas que le premier dimanche d'août ne peut pas être vécu, mais c'était vécu aussi. Mais la preuve, on entend ta voix, en effet, oui. Au tout début, comme je disais, j'ai pris l'extrait. C'est beaucoup plus vécu encore que Hammam au premier dimanche d'août. C'est tous mes souvenirs de tous mes bals dans les villages du sud de la France à partir de... Enfin, pareil, de 2 ans, j'ai dû commencer à aller au bal là. Quand j'étais toute petite, et puis jusqu'à... c'était ça aussi, c'était le... La volonté. Et c'était... aussi rentrer, c'était aussi ça, c'était aussi ce souvenir personnel, justement, quand on allait en mobylette à 14-15 ans d'un village à un autre, parce qu'en fait, pendant toutes les vacances, on passait notre temps à faire les bals des différents villages qui étaient autour du village où j'étais. Donc l'entrée comme un souvenir, en fait, est rentrée dans un souvenir. Voilà, et l'entrée comme un souvenir où il y allait, et on était là en mobylette. Au départ, je voulais faire presque une vue subjective où on voyait juste de façon assez abstraite la route avec les phares des mobylettes qui éclairent comme ça, puis on avance et tout ça, et c'est dans un espèce de paysage qu'on reconnaît à peine et tout, mais j'ai pas su faire. Ah, des fois ça arrive comme ça, que techniquement... Non, oui, techniquement, ouais. Je me suis dit, mais comment je vais faire un truc pareil? Il y a des animateurs qui savent très très bien faire ça. Il y a Serge Lissalt qui fait son lapin, là, en vue subjective, et puis ouais. Tout saute, enfin, tout le paysage et la vue subjective du lapin. Mais moi, je ne sais pas faire ça. J'ai beaucoup simplifié donc l'entrée... mais il y a des choses comme ça qui deviennent du coup plus oniriques et plus symboliques parce qu'elles sont simplifiées par... Enfin, je ne sais pas. Oui, non, c'est des fois la recherche comme ça d'une... une facilité qui n'est pas un beau mot, parce qu'évidemment, on pourrait croire, ça, mais c'est pas forcément... Non, d'autant que ce plan a été effectivement très, très compliqué à faire. Bah oui, donc c'est pas... C'était pas la facilité, mais voilà, trouver autre chose, en tout cas, il fallait contourner... Contourner cette difficulté-là. Donc, on entre dans le bal. Alors, c'est drôle, parce que tu dis, mais c'est vrai, j'ai toujours l'impression, et dans Hammam, et au premier dimanche d'août, justement, d'une forte narration. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis une narration, c'est que même si le film veut juste, entre guillemets, juste être un lieu, c'est-à-dire, qu'est-ce que ce lieu à ce moment-là, à un moment précis, il y a vraiment toute une, comme je disais, là, par exemple, c'est vrai que c'est vraiment le bal. C'est-à-dire, il y a les enfants au début qui dansent, et puis après, à un moment donné, il y a la maman qui veut danser avec quelqu'un, un homme avec qui elle veut danser, puis il y a le petit garçon qui se met à pleurer, qui a envie, enfin, on suit ça. Et alors, peut-être qu'il n'y a pas une narration, encore une fois, pure, mais il y a quand même, finalement, des gens auxquels on s'attache, ce qui n'est pas toujours évident. Là où quand il n'y a pas des dialogues qu'on entend, là on entend des petits bouts de dialogue, mais on est comme si on avait un micro, tu avais mis un micro, c'est pas évident à réussir ce genre de choses. C'était exactement la même chose que Hammam, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait pas mal de croquis avant de faire le film dans les bals l'année d'avant, deux ans avant de faire le film. Où effectivement j'ai pris plein de croquis, plein de notes, et puis après c'était un peu la même chose que dans Hammam, c'était laisser les choses les plus qui m'avaient le plus marqué revenir presque toute seule à la mémoire comme ça, et puis ensuite organiser ces anecdotes dans un récit cinématographique aussi pour le voilà. Et puis, voilà. J'allais dire, comment se fait le storyboard? Tu as fait là, à ce niveau-là, au niveau de ce film? Parce qu'il y a... En fait, au départ, je voulais. En fait, voilà, c'était le son, c'était ça aussi. C'était comme une espèce de micro un peu indiscret, qui, comme s'il y avait une oreille indiscrète, comme ça, qui se baladait dans l'arène du bal, en captant des mots, des phrases, des bouts de conversation, des choses comme ça. C'était vraiment ce que je voulais donner. Et puis que cette même personne captait aussi des ambiances, des choses, un personnage qu'elle repérait et tout. Et en fait, ce que j'essaye de faire aussi dans ces films-là, c'est il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran en même temps. Alors c'est exactement, je dis à peu près l'inverse quand je fais des cours aux élèves. Je dis, il ne faut pas qu'il y ait trop de choses qui se passent parce qu'on ne veut pas, etc. Mais moi, je, dans mes films, j'ai envie que ce soit presque comme un spectateur qui serait devant le bal en question. Et on voit, selon ce qu'on regarde, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc il y a plein de choses à voir, effectivement, en même temps. Et puis finalement, on s'aperçoit que dans toutes ces choses à voir, il y a une organisation qui est une organisation très précise. Puisqu'effectivement, si on fait bien attention, c'est les mêmes personnes qui repassent et tout. Je ne suis pas sûre qu'on puisse le s'en rendre compte à la première vision du film. C'est peut-être aussi en le regardant à nouveau. Et c'est très organisé. Mais j'aurais aimé qu'il n'y ait qu'un seul plan séquence presque, que ce soit ce même regard qui s'accroche à quelqu'un d'autre. Voilà, un peu à l'estime de la rue de Caroline Leaf, c'est ça, quelque chose oui, d'assez... Oui, un petit peu, voilà, de quelque chose d'assez fluide, où effectivement, on est le personnage en train de se balader dans... Mais on est aussi, on est le personnage qui est dans le bal, et puis on est aussi, de temps en temps, là-haut, à regarder comme des petites fourmis, les gens du bal bouger, quoi. Dans cette espèce de... D'arène, comme tu disais. Alors, justement, on est dans le sud de la France, on sent le... pas très loin, enfin en tout cas dans quel sud on est, mais moi j'imaginais que, et je vois le film, en effet, alors plus que le bal des Torres Scola, c'est plus du Fellini, il y a un petit côté comme ça, avec plein de choses qui se passent, et je sais pas, non, ça te paraît une... J'aime bien dans... Enfin, j'essaie d'avoir à la fois quelque chose de très réaliste et puis en même temps qui soit un peu onirique aussi et qui puisse être presque dérivé du côté du grotesque. Enfin voilà, j'aime bien ça chez Fellini, par exemple. C'est les personnages, on a l'impression des ou fois... Chez Otario Cellini, par exemple. Plus grand. Oui, d'accord, voilà, ouais, c'est ce genre de personnages... Où il n'y a pas beaucoup de choses... Enfin, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses qui... Il y a plein de choses qui se racontent, très importantes, mais dans des choses... qui semble pas forcément très... Il y a ce moment... Dans les gestes aussi. Mais oui, il y a ce moment que j'adore. Dans la façon de bouger des gens, dans le... Voilà. Dans le film, c'est quand elle commence à danser, elle se rappelle quand elles étaient petites, 4 ou 5 demoiselles qui se mettent à danser, puis comme quand elles étaient petites, et puis il y en a une qui danse mieux que les autres et qui commence à danser, comme je rappelle, et puis elle se rend compte que finalement elle est toute seule. À la fin, tout le monde la regarde et elle commence à rougir, et elle se rend compte qu'elle est au milieu, et d'un seul coup elle s'en va. Et je trouve ce moment très, très touchant, très, très. Enfin, on a l'impression de. Peut-être pas d'avoir vécu ça tout le monde, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez. Assez étonnant dans cette recherche. Et en animation, je trouve pas qu'il y ait souvent ça des personnes. Enfin, il y en a un, hein, bien sûr, mais il n'y a pas cette recherche sur les personnages, sur des personnages comme ça qui vont peut-être parler un peu à tout le monde, comme dans Hammam. Oui, c'était pas une question, t'as raison. Oui, vous avez pas vu, parce que mais Florence qui. Oui, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Et en effet, c'était difficile. Mais en tout cas, au premier dimanche d'août, le son, là, par contre, est-ce que parce que tu travailles avec quelqu'un. Genre par rapport à Hammam, où Hammam, tu disais, c'est vrai qu'Hammam, on a, même si moi je trouve évidemment le son fonctionne bien, on a l'impression qu'il est collé l'un à l'autre, alors que là il est évidemment fluide. Mais là, je pense qu'effectivement, le son c'était vraiment ce que j'imaginais. C'est-à-dire que je voulais avoir des bruits de conversation. Et pareil, en même temps que je faisais les croquis, il y a deux personnes qui sont venues faire du son. Il y a eu Claudine Nougaret, ingénieure du son, et puis une amie aussi qui a pris des sons. Et donc pendant deux étés successifs, on a fait pareil, les balles avec un micro et tout ça. Mais pas seulement les balles, parce que les balles, on ne pouvait pas utiliser la musique, enfin non, le son des gens des balles, puisqu'il y avait la musique en même temps. Donc on allait dans les cafés, sur les places des villages, et on a enregistré énormément, de façon à pouvoir ensuite se servir de toutes ces voix pour faire un condensé d'ambiance comme ça qu'on a replacé dans le contexte du bal. Et puis la musique à nouveau de Nicolas, mais là forcément il y avait de la musique puisque ouais. C'était le sujet, et où l'idée c'était d'avoir effectivement des musiques qui soient passo doublé, valse, tango, et puis genre Macarena, on appelait ça la Macarena, mais c'était pas où tout le monde justement danse en même temps. Et puis. Et après rock, enfin voilà, oui, en plus rock, tout etc. est bien ouais. mis en situation selon voilà. l'heure, on va dire, de. Et puis du les bal. Gens qui dansent pour chaque danse particulière, quoi, c'est vrai que. Et alors, il n'y a pas que moi qui aime au premier dimanche d'août, puisque le film obtient le César oui, du court-métrage. Oui, le court-métrage, oui. C'est en plus à l'époque, parce qu'il faut le rappeler, à l'époque, il y avait encore le... Non, c'était... Non, c'était... Enfin, c'était le mélange, c'était déjà mélangé ou c'était... Oui, c'est un César, hein? Non, c'est un César pour le court-métrage. Pour le court-métrage, donc il y avait animation aussi bien, et court-métrage en prise de vue réelle mélangé, quoi. Et si je dis pas de bêtises, ça doit être... T'es peut-être la seule, peut-être le Moine et le Poisson. Non, le Moine et le Poisson. Vous êtes il n'y a que... Voilà, il y a que deux films, finalement, qu'on eu depuis n'y en a pas. Je sais pas. Ah, je peux te le dire. Depuis, il n'y en a pas. Justement, parce qu'on en a même parlé ici. Même Basquizen, qui était nominé pourtant, l'a pas eu. Et même, je crois que cette année, il n'y avait pas du tout de film d'animation. Enfin, c'est l'un des grands problèmes ou quoi. Donc, bon, même si les Césars, c'est pas la chose la plus importante, mais c'est quand même bien de recevoir une récompense. C'est quoi? Oui, c'est bien. C'est agréable de monter. C'est comme quand t'as des gens qui viennent te dire qu'ils aiment bien tes films, c'est agréable. Si je parle des airs, c'est parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas l'animation tellement qu'ils votent. C'est pour ça, je me dis, tiens. Oui. Justement. C'est très bien. C'est très impressionnant là aussi de se retrouver dans une salle immense où tu vas recevoir un César et tout. Au niveau de. T'as que des gens connus devant toi. Bizarre d'un seul coup, souvent, mais. C'est quoi, court métrage, ça existe encore. C'est quoi la production de Premier Dimanche d'août? Alors, Thierry Roland, donc, qui était le premier producteur à Paris Plage Productions, arrête sa maison de production pour des raisons personnelles. Et donc, c'est la rencontre avec Dora Benousilio. Encore une rencontre importante. De l'Arlequin, qui produit. Oui, c'est ça qui produit au Premier Dimanche d'août. Ouais. Parce que j'allais dire, est-ce que le César, ça aide ensuite pour la production? Mais finalement, comme tu rencontres le producteur qui travaille toujours avec toi, la productrice, aujourd'hui, finalement, il y a quand même des gens qui viennent te voir en disant « Vous voulez pas venir nous voir plutôt que de rester Pas tant que ça. Il y a quelqu'un qui a regardé, sachant que j'avais eu les Césars, il y a une production qui m'a appelé, je ne sais plus qui, pour savoir si ça ne m'intéressait pas de faire le long-métrage du Roi Lion en animation. J'ai dit que c'était pas du tout. Je leur ai renvoyé mes films en disant que je ne pensais pas que ça irait. Quoi. Donc, bizarre. Effectivement, elle m'a répondu en me disant « Oui, on a beaucoup aimé vos films, mais effectivement, ce n'était pas ce qu'on cherchait comme réalisateur. » Oui. Sans doute, oui. Alors, voilà, pour dire, c'était une animation classique. Et oui. Effectivement, les miennes, c'est pas exactement... Ça correspondait pas tout à fait à ça. 2002, après au premier dimanche... Non, j'ai dit le Roi Lion. Oui. L'Enfant Lion, non. L'Enfant Lion. Oui, le Roi Lion, je me dis... Il voulait faire un remake de L'Enfant Lion, je crois. Oui, Patrick Grandperret, le film de Grandperret, d'accord. Il voulait faire un remake en animation. Moi, je me disais Disney t'a appelé et tout. Non, le Roi Lion. Non, c'était impressionnant. Mais, à non savoir, Disney étant partout, DreamWorks et tout, ils auraient pu se dire, tiens, c'est qui cette française qui a eu... Et puis, comme il y avait l'Afrique avant, enfin, je me suis dit, tiens. Alors, ça tombe bien, en parlant d'Afrique, puisqu'après, on va passer à... Parce que là, mes films préférés, enfin... qui est Oiseau blanc, Oiseau noir. On va en parler un tout petit peu après, mais on va écouter donc l'extrait numéro 7. Merci beaucoup, Ariel. Les hommes sont les uns par rapport aux autres comparables à des murs situés face à face. Chaque mur est percé d'une multitude de petits trous où nichent des oiseaux blancs et des oiseaux noirs. Les oiseaux noirs, ce sont les mauvaises pensées et les mauvaises paroles. Les oiseaux blancs, ce sont les bonnes pensées et les bonnes paroles. Les oiseaux blancs ne peuvent entrer que dans des trous d'oiseaux blancs et les oiseaux noirs ne peuvent nicher que dans des trous d'oiseaux noirs. Maintenant, imaginons deux hommes, Youssouf et Ali, qui se croient ennemis l'un de l'autre. Un jour, Youssouf, persuadé que Ali lui veut du mal, se sent empli de colère à son égard et lui envoie une très mauvaise pensée. Ali observe le courroux de son ennemi, mais n'émet aucune colère. L'oiseau de Youssouf, ne trouvant pas où se loger, retourne à son nid d'origine avec tout le mal dont il est chargé. Mais imaginons que dans le même temps, Ali envoie lui aussi une mauvaise pensée. Les oiseaux parviennent à leur but, détruire l'homme auquel ils étaient destinés. De même avec les oiseaux blancs. Si nous envoyons de bonnes pensées à notre ennemi, non seulement elles apaisent sa haine, mais encore elles nous reviennent un jour ou l'autre avec tout le bien dont elles sont chargées. Sur Bulle de Rêve. Vous êtes toujours sur Bulle de Rêve. Vous écoutez toujours Bulle de Rêve, pardon. Sur 89.4 sur Radio Libertaire. Et on écoutait quasiment toute l'histoire même. J'ai juste supprimé les génériques de Oiseau Blanc, Oiseau Noir. Alors c'est encore quelque chose de particulier parce que c'est encore pour Arte. Oui, c'est un réalisateur de documentaire qui m'a... Louis Deck, je crois, qui m'a demandé de faire des petites animations sur un documentaire sur Tierno Bocar, qui a été le maître d'Amadou Ampateba, un des plus grands écrivains maliens. Voilà, donc il faisait un documentaire sur Tierno Bocar, et puis Tierno Bocar faisait des métaphores philosophiques en racontant à ses élèves et en dessinant dans le sable. Donc il m'avait demandé... lui, il filmait une main qui dessinait dans le sable, et donc mon film devait commencer comme ça, sur du sable. Et donc tu travailles avec le sable, c'est la première fois ou... Voilà, d'où le sable, d'où effectivement, parce que c'est vrai que les matières s'adaptent aussi, les techniques des films évoluent un petit peu en fonction de ce qui se raconte aussi dans le film. Et là, c'était la première fois que je travaillais avec du sable, peinture à l'huile, pastel. Oui, c'est un mélange. Une espèce de mélange de techniques. Et alors, c'est plus difficile le sable ? Et là, c'était effectivement une commande, quoi. Mais j'avais une grande liberté en même temps, puisque je pouvais faire comme je... Le film, je pouvais le faire comme je voulais, quoi. D'accord, il y avait juste ce qu'on a entendu. T'avais ça comme le conte, enfin l'histoire. Oui, j'avais l'histoire, mais après, je l'ai réadapté pareil. Le temps, c'était à peu près 3-4 minutes. Et puis, voilà. Oui, parce que là, on redescend. Hein. On n'a pas dit, mais 9 minutes à même, Scheherazade 16, Histoire d'un prince de Nuba, on est mendiant en 16 minutes. Au premier moment, j'ajoute 11 minutes encore. Donc, des films qui font c'est plus des films assez longs, 10 minutes. Enfin, relativement longs pour du court-métrage. Pour du court-métrage, voilà. Et Oiseau Blanc, là, On a 4 minutes. Oui, c'était une histoire qui est relativement courte, de toute façon. Et puis, c'était un peu la donnée aussi du réalisateur pour le documentaire. Et en fait, après, il y a eu une version qui a été faite pour le documentaire. Et puis ensuite, on a ressorti le film, complété un petit peu, fait la voix. La voix, c'était que pour le film, parce que sur le documentaire, il y avait la voix du documentaire plus général. D'accord. Donc, avec un réalisateur qui s'appelle Mohamed Camara, qui a prêté sa voix là au... réalisateur et comédien, qui a prêté sa voix au conteur, et puis toujours la musique de Denis Colin. J'ai oublié de te demander, mais Amam, je crois que c'est venu après, est-ce que Amam, tu le montres, parce que je sais que tu l'as montré en Égypte, c'est quoi la réaction? Alors Amam, c'est évident, mais même Oiseau Blanc, Oiseau Noir, ça m'intéresserait, est-ce que tu l'as montré au Mali, est-ce que tu l'as montré... dans d'autres pays d'Afrique noire? Oui, ça a été montré dans des pays d'Afrique noire, mais j'étais pas là, par contre. Alors qu'Amam... Amam en Égypte, j'étais là. Ouais. Amam chez Razad en Égypte, j'étais là à un festival à Ismaïlia. Et où, effectivement, c'était assez tendu quand même. Le fait de montrer des femmes et de montrer des femmes nues. Et puis de montrer des femmes qui étaient censées être des femmes arabes en plus. Voilà, c'était assez tendu. Il y avait des gens qui disaient que c'était un peu scandaleux de montrer les femmes comme ça. Pareil pour Scheherazade. J'ai quand même fait Scheherazade parce que j'avais lu un entrefilet dans Le Monde, entre autres, hein, où on disait que Scheherazade, les versions originales de Scheherazade avaient été brûlées en Égypte par les frères musulmans. Donc de toute façon, c'était aussi, voilà, c'était un peu ce contexte-là aussi. Mais par contre, au festival, le directeur du festival a fait du coup un discours très, très, très beau discours sur la liberté de l'artiste, de représentation de l'artiste, etc., qui était formidable. Et ce qui est intéressant... Donc il a été quand même, ouais. Il a eu besoin de défendre les films, en particulier Scheherazade, je crois que c'était surtout Scheherazade. C'est vrai, plus que Amam. Oui, plus que Amam, parce que... Oui, parce que je sais pas, parce que ça donnait, parce qu'il y avait des choses très érotiques. Hein, dans Amam, c'est sensuel, mais c'est pas érotique, tandis que dans Scheherazade, comme dans Les Mille et Une Nuits, on appelle un chat un chat. Oui, et puis, le rôle de la femme est très important et primordial, voilà, dans Scheherazade en plus. C'est elle qui sauve, en fait. Mais elles sont, dans Scheherazade, il y a plein de femmes différentes. Il y en a qui sont infidèles, d'autres qui sont, comme Scheherazade, fidèles. Quoi. Donc, je faisais pas un portrait de la femme arabe, et puis en plus, j'ai été très fidèle au texte. Qui ne sont pas des textes arabes, mais des textes perses. Alors, ce qui est étonnant, et quand même, tu disais, c'est que quand tu le montrais à des femmes musulmanes, notamment seules, quand il n'y avait que des femmes, elles adoraient le film, mais dès qu'il y avait en fait un mélange entre hommes et femmes, là, d'un seul coup, il y avait plus de difficultés. Oui, ça, c'était pas en Égypte, ouais. C'était en France, et c'est arrivé de montrer le film à des femmes. Que des femmes, je sais pas, je crois qu'une fois c'était des femmes qui faisaient une association qui fait d'alphabétisation de femmes issues de l'immigration, les femmes étaient ravies, Amam ça les faisait mourir de rire, Scheherazade aussi. Et puis on a montré un jour à une fête où il y avait à la fois les hommes, les femmes, les enfants. Et là effectivement ça passait pas parce que c'est pas des choses qu'on montre. Il fallait Amam, pas que les hommes le voient. Voilà, c'est ça. Donc, pas pour rien. Voilà. Mais ça c'est des défauts de programmation des programmateurs qui montrent ça à cette occasion-là. C'est vrai que c'est pas. Ils ont toujours l'impression que comme c'est de l'animation que ça passera. Plus facilement. Comme c'est de l'animation, ça passera plus facilement. Et puis comme ça parle des pays arabes, c'est bien de le montrer dans les milieux musulmans, enfin maghrébins, et pas forcément. Voilà, pas forcément. Ça c'est un peu. Mais on a fait aussi, on a montré aussi ces films dans des collèges avec Marie et Desplechin, où effectivement il y a des fois, souvent des choses un peu. Mais vous n'avez pas le droit de montrer ça, etc. Et puis on est effectivement obligé d'expliquer, de dire, de faire référence à des textes qui sont des textes très crus, effectivement, et qui sont écrits de comme montrer, ça. Finalement, et puis de dire voilà, c'est pas que je vais me dédouaner, mais c'est pas nous, c'est le texte qui est comme ça. On a été fidèles. Donc Oiseau Blanc, Oiseau Noir. Alors 2003, ce que j'ai pris, c'est dans Bref. Hein, il y avait eu 6 pages sur toi. Et il y a quelque chose qui s'appelle les jumeaux Sioux. en Flash, ils annoncent ça, qui est sur un site internet. C'est quoi, tu as travaillé en Flash, donc logiciel Ouais. Oui, c'était pour essayer. Bah, j'avais des amis là où je travaille, dans l'atelier où je travaille, qui ont un site où ils font des petits films d'animation. Puis ils m'avaient demandé si je pouvais faire un film en Flash. Puis comme j'avais fait un stage pour apprendre justement à utiliser Flash et tous ces logiciels-là, c'était une bonne occasion de mettre en pratique ce que j'avais appris. Surtout que tu ne peux pas faire autrement que de mettre en pratique pour vraiment savoir utiliser ces logiciels. Donc oui, c'est un petit conte sur le pouvoir qui était... Donc qui est trouvable sur Internet. Non. Mais non, je me suis rendu compte et j'ai vu ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça fait. Donc il faut que je le regarde en effet. Et j'ai vu qu'il y avait l'adresse. Donc il est toujours en ligne. Il est toujours. Je pense que oui. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas regardé sur le site, mais je pense que oui, il doit y être. Tu nous dis un petit mot. Ça fait longtemps que tu travailles au frigo. Oui, dans le 13e, juste un petit mot sur. Ça fait 17-18 ans, presque aussi longtemps que les films. Que les films. Donc c'est un lieu qui est un squat, mais très organisé. C'est pas un squat. C'est pas un squat. Alors vas-y. Non, c'est pas un squat. C'est des locations. Enfin, c'est des artistes qui louent. On a d'abord loué à la SNCF, puisque c'est les anciens entrepôts frigorifiques de la SNCF. Et il y a quelques temps, la SNCF a revendu à la ville de Paris. Donc maintenant, c'est la ville de Paris qui est propriétaire du lieu et plupart des gens louent. Oui, quand je disais un squat, justement, j'allais dire qu'il était très organisé, justement, qu'il y avait. Et donc, c'est même pas un squat, c'est vraiment c'est des locations. C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez réussi finalement à le garder tel quel et dans le paysage qui est en train de se créer, on va dire, dans ce coin-là. Moi, j'habite dans ce coin-là, donc je le vois énormément. C'est le seul point qui reste finalement de l'ancien Tolbiac, on va dire, de l'ancien quartier. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, ça fait un peu un endroit C'est pour ça que dis squat, en fait, il y a vraiment l'impression de vieux. Mais c'est encore un endroit où effectivement il y a une tolérance pour les graffitis, etc. Mais oui, il y a un côté un peu comme ça. Bon, les autres endroits qui sont restés, c'est les moulins de Paris qui ont été transformés en fac, et puis l'usine pneumatique là de... Non, le... pas de pneumatique. Non. Si, de... L'usine là, il y a une usine. Oui, oui, tout à fait, mais c'était... Oui, je sais pas quoi. Je sais plus ce que c'était. Mais je connais les moulins, ils ont gardé que l'extérieur en fait, c'est vrai, tout a été détruit à l'intérieur, ils ont gardé que... Ouais, ils ont rénové. Que voilà. Et puis nous qui sommes là, résistons bizarrement. Est-ce que le fait de travailler en flash à un moment donné, de te mettre à l'ordinateur, a permis, c'est une question un peu, mais a permis Comte de Quartier. 2006, on a donc, hein, 2003, 2002, Oiseau Blanc, et en 2006, on va attendre 4 ans de nouveau pour le nouveau film. De nouveau 15 minutes, là par contre, on revient à une durée plus proche de ce que tu as fait avant. Et là, l'ordinateur commence à prendre. Tu vas commencer à faire des choses en ordinateur. Est-ce que c'est flash ou est-ce que c'est les gens qui t'ont dit là, ce serait bien quand même d'utiliser ou est-ce que toi, tu regardes autour de toi ce qui se fait Non, mais là, ça a été. J'ai toujours utilisé un petit peu l'ordinateur, ne serait-ce que pour faire les storyboards, pour reprendre des dessins, des choses comme ça. J'ai jamais rien eu contre l'ordinateur, en tout cas. Même si c'est arrivé un peu tardivement, parce que je le disais, quand j'ai fait mes études, ça n'existait pas, ils n'existaient pas encore. Et puis, les premiers ordinateurs avec les images complètement pixelisées, on faisait des dessins, on était super contents de ce qu'on faisait, mais c'était vraiment moche. On en parlait la semaine avec Georges Lacroix, oui. Objectivement, c'était... voilà, mais... donc oui, il y a toujours eu un petit peu d'ordinateur aussi. Mais c'était pareil, c'était un peu... C'était un peu l'idée que, comme je faisais un sujet sur la ville, en fait, la technique, c'est pas que j'ai voulu vraiment utiliser l'ordinateur, mais c'était pour faire ce film-là. Je trouvais que la technique, elle correspondait bien parce que je voulais faire un sujet sur la ville et je voulais qu'il y ait ce qu'on appelle des layers. Donc plusieurs, oui, comme plusieurs voilà, niveaux, plusieurs quoi, on va couches, dire. Voilà, plusieurs couches. Des couches de villes différentes, quoi. Et que ça, cette espèce d'aggloméré des couches différentes... sur l'ordinateur, c'était voilà, c'était Il y avait dans le film, il y avait la couche du chantier, la couche des gens, la couche des personnages principaux, la couche. Enfin voilà, c'était un film qui s'était construit par couches, mais un peu comme la ville quoi. C'était, dans mon idée, c'était un peu ça. Non. C'était pour ça que j'ai pris l'ordinateur, mais c'est bien tombé parce qu'en fait c'est tombé en même temps que la disparition pratiquement partout du tournage 35 en animation, parce que ça coûte maintenant. Voilà, c'est moins cher. C'est arrivé en même temps qu'une évolution. Dommage d'ailleurs, parce que moi je trouve le 35 vachement agréable, ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais, l'émerveillement qu'on a quand on découvre ce qu'on a fait au bout d'un mois de travail. Quoi. C'est bien, c'est pas bien. Et puis le fait de. Voilà, dans l'ordinateur, ça me gêne de voir tout le temps mes images. Je perds cette spontanéité. Oui, puis de fraîcheur. Enfin, quand j'arrivais au montage, quand on arrive au montage après avoir vu trois fois au maximum les plans, on a une fraîcheur qu'on n'a plus quand on arrive au montage après les avoir vus 200 fois chaque plan. Quoi. C'est pas la même chose. Avec tous les défauts qui, du coup. Apparaissent. Et le hasard dont on parlait avant, où on ne maîtrise pas trop cette matière qui arrive, qui bouge, etc., avec l'ordinateur, le hasard, on peut le maîtriser. Et du coup, il y a quelque chose qui se perd. Alors, on a un mélange là, donc au niveau technique. C'est comme si on avait un mélange aussi au niveau, c'est-à-dire, tu disais, c'est à la fois on est dans un lieu, on est dans une histoire, plus dans une narration. On va suivre une poupée. Et à la fois on est dans un lieu aussi, c'est-à-dire qu'on est entre les deux finalement. Mais c'était un peu l'idée. J'ai essayé dans ce film d'être à la fois dans ces portraits de lieux que je faisais avec Amam et puis avec au premier dimanche d'août, et en même temps avec une histoire un peu plus construite que dans Amam et au premier dimanche d'août. Donc c'est un film un peu où il y a à la fois le portrait du lieu, mais moins abstrait que, enfin, plus narratif en tout cas que Amam et au premier dimanche d'août. Donc là, l'histoire d'une poupée qu'on suit. Ah, voilà, qu'on va suivre. Qui est un prétexte à montrer le lieu. Mais qu'on suit quand même. Il y a un côté conte de quartier qui est presque un peu plus sombre, même que les autres, même dans la musique. Quand on commence avec la musique est un peu plus sombre aussi. Il y a des personnages qui sont un peu plus effrayants. On est presque plus dans un polar, on va dire. On va suivre ça. Et puis, je l'avais déjà dit, mais c'est vrai que la sensualité des premiers films qui avant étaient dans les personnages qu'on voyait, même si là, il y a un personnage personnage de cirque, enfin j'ai plus le terme, mais enfin ouais, une acrobate voilà, où elle est sensuelle, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas comme avant, et là comme je te disais, tout est dans les publicités finalement, la sensualité, enfin une sensualité pas délavée, mais en tout cas qu'on trouve maintenant plus sur les murs qu'ailleurs. Donc on a un côté un peu plus sombre quand même dans ce film là. Oui, c'est vrai. Moins sombre. on va évidemment, on a pris du temps, mais c'est très bien. Et là, on va aller un petit peu plus vite parce qu'il y a l'émission d'après qui va commencer. Matières arrivées, Yannès. Non, matière arrivée. C'est matière arrivée. Ouais, hein. Matière arrivée. 2009, 6 minutes, film érotique. Mm-hmm. Ça s'est fait dans quelles conditions? Là aussi, c'était un peu une commande que j'ai un peu forcée, mais j'ai entendu parler par Sébastien Lodenbach, oui. Qui est un réalisateur d'animation aussi, d'une productrice qui voulait faire des films érotiques de femmes. Et puis j'ai dit, oh, mais moi, ça m'intéresserait vraiment d'en faire un. Donc, parce qu'il n'y avait pas de film en animation dans sa série, donc j'ai un peu forcé la main en disant oui, ça ne vous intéresserait pas de faire un film aussi avec moi en animation. Donc, et voilà. Et là, on retourne dans quelque chose, oui. Pardon. Ouais. Donc ça s'est fait. Et l'idée, c'était que ce qui était super dans ce film, c'est que j'avais pas envie de faire un storyboard bien précis. Ouais. Parce que c'est vrai que d'habitude, pour faire des films, on est obligé pour avoir des financements, on est obligé de faire des storyboards, on est obligé d'avoir des dossiers, etc. Et donc les films, ils se préparent beaucoup à l'avance, quoi. Et il y a j'avais envie de travailler de façon plus spontanée, de façon voilà. C'était ça qui était bien dans le projet. Alors il y avait évidemment, on n'a plus le temps. Il y avait bien évidemment, vous pensez bien, et un extrait de Conte de quartier et un extrait de Matière à rêver qu'on n'aura pas le temps d'écouter, mais j'aimerais que tu nous parles après ça de la traversée quand même un tout petit peu cette envie de long métrage. Il y a plein de choses, hein, parce que tu reviendras, il y a deux courts métrages en préparation, il y a un court métrage en préparation avec deux autres réalisatrices dont une qu'on a reçue ici. C'est un court métrage et ça sera aussi l'objet d'une série. C'est pour ça. Une fameuse série que ça s'est pas fait avec Arte, ça sera avec France 2, France 3, 8 épisodes de 4 minutes sur les métamorphoses d'Ovide. D'Ovide avec. Enfin, avec Mathilde de Philippon et Elodie Boudet. Voilà, Elodie Boudet qu'on a reçue et Mathilde Philippon qu'on espère recevoir bientôt. Donc ça, c'est le projet. Et un projet de long métrage, La Traversée, sur l'histoire de deux enfants qui quittent... Enfin, c'est un peu un espèce de conte. Deux enfants qui quittent un pays un peu imaginaire, mais qui pourrait rappeler... la Russie de 1905 au moment des pogroms contre les Juifs par exemple ou les Arméniens le départ des Arméniens, et qui arrivent dans un pays qui pourrait ressembler à l'Europe d'aujourd'hui où les frontières se ferment, où des camps de rétention sont construits le long des frontières. Donc voilà. Marie de Plechin encore. Marie de Plechin, qui était aussi dans Comte de Quartier. Dans Comte de Quartier, qui suit. Et donc, un sujet très contemporain. Oui, mais qui est traité comme le petit pousset, comme Hansel et Gretel, comme les enfants qui se perdent dans les forêts. Mais en peinture animée. Comment on fait un long métrage? Est-ce qu'il y a 10 ans, ça aurait été. Allez, il y a 15 ans, ça aurait été impensable, non? De faire un long métrage comme ça? Effectivement, le fait d'avoir maintenant la possibilité de voir les images au fur et à mesure des ordinateurs permet de faire ce genre de film. Parce que c'est vrai que j'aurais pas pu diriger une équipe sans voir ce qu'ils faisaient pendant un mois ou deux et puis de me rendre compte que ça allait pas du tout, etc. Ouais. Donc là, effectivement, le fait de pouvoir voir au fur et à mesure ce que parce que forcément, je vais pas faire le long métrage seul. Bon, 2 ans à faire un court métrage, c'est impensable sur un long métrage. Donc ça veut dire des équipes et ça veut dire effectivement pouvoir travailler en regardant des images qu'ils font, en réagissant au fur et à mesure, etc. Oui, je pense que c'est possible. On va voir. C'en est où? On s'en est, recherche de financement avec une partie des finances, enfin une partie, j'ai eu l'avance sur recette du CNC, qui est un des points importants, puis d'autres choses à droite à gauche, mais bon, le financement n'est pas bouclé. J'espère que le film se fera, c'est jamais sûr, quoi. Tant qu'il n'y a pas à peu près 100% de la somme dont on a besoin. Surtout que c'est pas un gros budget, ça reste quand même des budgets importants. Un budget de par rapport au court-métrage, un budget de. De long métrage, c'est énorme. Ouais. Quand même, je voulais finir, on n'aura pas le temps, mais heureusement, on a Florentine. Évidemment, il y avait un extrait, il y avait plein d'autres extraits, il y avait plein de choses à vous faire écouter, mais il y a 2 heures. Deux heures, c'est trop court. C'est trop court, comme on le sait bien. Juste, je voulais demander et à Florentine et à Flora, puisqu'on on a Florence, hein, donc oui, Florence, Florentine, Flora. Flore, il y a l'idée de fleur. Est-ce que la peinture animée, ça c'est le mauvais animateur qui essaie de sûrement trouver quelque chose pour faire à une très mauvaise transition. Est-ce que Florentine, toi, je voulais faire cette transition, mais on reparlera de roue lors d'une des prochaines émissions, promis. Mais je trouvais que matière à rêver, ça allait bien avec ce que tu faisais, avec ton travail, avec le côté matière comme ça que tu travailles. Est-ce que la peinture animée est venue? Toi, ton premier, c'était en marionnette, mais là, tu as fait la peinture animée pour Roux. Est-ce que c'était une envie En fait, j'avais jamais fait de peinture animée. J'avais fait du sable animé, donc au cours de mes études avec Florence. et en fait, c'est plus, ça allait bien avec mon sujet, avec mon thème. Et c'est vrai que, effectivement, il y avait l'idée, dans la peinture, j'avais l'idée d'érotisme ou de volupté qui était assez présente, comme Roux parle d'un couple. C'est vrai que c'est venu assez rapidement. Donc c'est venu avec le sujet, et donc j'étais pas très rassurée d'ailleurs parce que j'en ai jamais fait, mais bon finalement ça a marché, mais c'est vrai que c'était un peu le saut vers une autre technique qui me plaît beaucoup. Ouais. On sait pas s'il écoute, mais on peut faire un petit coucou à l'animateur. À Julien, oui. Laval. Ah, qui a travaillé avec toi, qui a travaillé aussi avec Sébastien Odenbach sur Vasco, oui, voilà. qui a fait Nansad, qui a fait un film érotique. Oui, pour son film, on est tous connectés tous, au niveau des sujets. Tous connectés, voilà, etc. Tout à fait, ouais. Le avec des peluches, hein, ça a un peu plus barré. mais voilà, et donc qui a été animateur aussi sur ton film. Est-ce que le prochain qui n'est pas encore écrit, est-ce qu'il y aura de la peinture ou tu n'en as absolument aucune idée? Je sais pas, j'ai pas encore trouvé. Il faut que j'y réfléchisse. Je vais d'abord réfléchir effectivement pareil au sujet et au thème, et c'est vrai qu'après, on verra en fonction, mais c'est vrai que tout ce qui est technique libre sur bantite, que ce soit sable, peinture, encre, ça me plaît beaucoup, donc c'est possible. Voilà. Comme disait Florence, c'est avant tout le sujet qui ensuite peut... Ouais, je crois profondément à ça. Ouais. C'est quelque chose... Ouais. Après, bon, Flora, peut-être... Flora, toi, tu travailles sur ton projet, c'est de la rotoscopie, donc rapidement, ouais. C'est... C'est pas tout à fait de la rotoscopie. C'est pas complètement de la rotoscopie, alors vas-y. Ouais, en fait, j'ai d'abord filmé en prise de vue réelle toutes les séquences, et après, je recopie, en fait, en regardant la base vidéo, quoi. D'accord. C'est pas de la vraie rotoscopie. C'est pas de la vraie, mais c'est très inspiré, quoi. D'accord, c'est un peu comme ce qu'a fait Olivier Boudet, ce que nous racontait. C'est ça, c'est d'accord. Le même principe, quoi. Et pourquoi je sais quand... Pourquoi j'ai toujours beaucoup aimé la peinture. J'en faisais avant, la peinture sur toile, quoi. Et puis après, c'est en voyant les films de Florence, de Alexandre Petrov, Georges Goebbels, tout ça, que j'étais vraiment intéressée. Puis en essayant, c'est vachement intuitif, en fait, comme technique. Ça vient tout seul. Et donc, ça, je trouve ça très, très beau aussi. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que tu t'es dit... Ouais. Et puis, je trouve ça, comme c'est un parle un peu d'un thème qui est sensuel, ça va assez bien, quoi, avec... Enfin, je trouve ça sensuel aussi, la manière dont ça bouge, tout ça. Dont le travail est fait. Ouais. Tu travailles comment? Travailler avec un pinceau? Pas avec les doigts. Petrov, je sais, travaille avec les doigts. Toi, tu travailles pas mal avec les doigts aussi, Florence, quand je travaille. Quand je sors de mon atelier, je suis couverte de peinture du bout du nez. Jusqu'au pied. Les photos du FICAM, Florence était au FICAM, au festival de Meknès, dont je vous parle souvent ici, et il fallait la voir avec du bleu, des couleurs un peu partout. Et qui font. Je demande à Ariel, est-ce qu'ils sont prêts, la tribuna, ou est-ce qu'ils veulent prendre? Bon, bah donc, on va. Je voudrais dire quelque chose pour tous ceux qui aiment l'animation, d'aller voir William Kentridge, tout à faire ses cendres, c'est absolument génial. Il y a une expo, c'est ça, Kentridge, au jeu de paume, d'accord. Mais ils montrent aussi leur. Ils montrent l'animation, ils montrent tout ce qu'il fait, c'est Je pense que c'est un des grands artistes du XXe siècle. Ça n'a pas été dit dans le dernier... Non, je le rajouterai dans l'agenda. Dans l'agenda, Florentine. Voilà. Ah bah écoute... Enfin bon, moi j'avais marqué qu'il fallait que j'aille le voir, mais c'est vrai que je n'ai même pas fait de news, mais je voulais le voir. On le rajoutera, voilà. C'est magnifique. Très bien. Surtout, si vous avez... Il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas... Enfin, je suis sûr que vous avez beaucoup apprécié. Pour ceux qui connaissent l'anime, ils savent déjà, connaissent déjà le travail de Florence. Pour ceux qui ne le connaissent pas, précipitez-vous. Il y a un DVD chez Dorian Film qui s'appelle Conte pigmenté, qui reprend quasiment, enfin, presque tous les films qu'on a là, même Matière à rêver. Oui, sauf l'histoire d'un prince devenu borgne immondiant, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Mais je crois que c'est des problèmes techniques, justement, de fabrication du film. Parce qu'il y a même Matière à rêver qu'il faut absolument, qu'on peut voir quasiment sur les DVD, parce qu'il est visiblement, la productrice ne veut pas trop le sortir, et on le voit assez peu en festival. Il sera, j'ai pas vu à Brou, enfin je pense pas qu'il ait été envoyé. Il sera à Brou. Je l'ai vu à Brou. Ah d'accord, je l'ai vu dans la liste. Parce qu'il n'était pas à Annecy, ça, moi je suis sûr de ne pas l'avoir vu. Il sera là-bas. Donc c'est bon, alors il faudra aller à Brou vers Rennes, on vous en reparlera de toute façon. Merci beaucoup, Florence, d'être venue. Merci. Et puis tu reviendras pour nous parler et du prochain. C'est vrai que ça ferait un beau d'avoir et Florence, Elodie, Mathilde. On vous aura toutes les trois. Ça sera pas mal pour le prochain. Et en espérant d'avoir Mathilde de toute façon, mais peut-être avant pour son court métrage. Qu'elle a fini. La prochaine émission, elle est si Florentine décide de pas partir en vacances en août. Non, je plaisante. Elle sera en septembre. Oui. On verra sûrement, à moins qu'on récupère peut-être une date fin août. Mais ça serait vraiment fin août. On vous dira ça de toute façon, en tout cas sur le site. Merci beaucoup, bien évidemment, comme d'habitude, à Florentine. Merci à Flora d'être passée. Je suis désolé, évidemment, j'aurais voulu que vous parliez plus toutes les deux, mais vous avez micro ouvert. Ici, on ne sait jamais. Des fois, c'est vrai que la semaine dernière, on a eu plus de temps. Là, on a juste nos deux heures, ce qui est déjà bien. Je ne vais pas mettre à râler. C'est sûrement la seule radio au monde où on a deux heures spécialement en direct à l'animation. Donc, c'est déjà super bien. Et on va finir. On pourra couper quand on veut. On va finir sur The Gentle Side of John Coltrane. Coltrane qui nous reprend l'un des thèmes magnifiques, qui est la piste 9, de Duke Ellington, Innocent. Sentimental Mood, absolument sublime, sur un album très beaucoup plus calme de Coltrane. Le morceau fait 4 minutes, je dis avant, donc on pourra chuinter avant, même si c'est terrible de chuinter Coltrane, mais c'est pas grave, il faudra le faire. Merci à tout le monde, et donc à très bientôt, et n'oubliez pas donc d'aller voir Kentridge et plein d'animations. À bientôt. Au revoir.